Et bonjour à tous. Normalement, bonjour à tout tous. Va bien. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bonjour à tous. Oui, on entend bonjour tout le monde. Non, mais... C'est sur le stream que je posais la question. Bonjour à tous, oui, le stream. T'inquiète Est-ce pas. Que tout le monde nous entend correctement? Je vais aller normalement, sur le stream c'est pour presque voir sûr. Le chat. Normalement, Mister c'est presque Rabbit sûr. Et salut, Mister Rabbit. Oui, y a pas d'audio du tout, hormis la musique sur le truc. Zut la pub, ah, zut, ah non, la ce pub. Sera dans 25 minutes. Comment ça, c'est pas possible. tu as mal paramétré. Non, c'est pas possible qu'il y ait une pub actuelle. Ils les mettent un peu au pif, les pubs, je crois, Twitch. C'est possible qu'il y ait encore les pubs en pré-roll, mais c'est pas normal. Donc ce n'est pas de ma volonté, voilà. Moi, mais la volonté, les pubs sont toutes les 30 minutes. Voilà. Mais si vous voulez pas de pub, il y a un lien Tipeee dans la description. Non, il y a par contre, il y a un lien. Pure curiosité, tu touches combien sur les pubs? Sur le plus gros live que j'ai fait, donc là, le dernier avec Flèche, c'est Oscar et Paul, où il y avait un peu de monde, j'ai touché 16 centimes pour 2h40 de live. Eh, c'est rentable, non? C'est pas mal en vrai. Hein. En vrai, c'est beaucoup. c'est. Si je dois être honnête, c'est beaucoup. C'est une sucette achetée chez le marchand. Hein. Bah, non, plus maintenant. Ça fait très longtemps que c'est plus le cas. c'est ça. Quand j'avais 7 ans, peut-être, mais plus maintenant. Ne digressons pas trop. Est-ce que vous pouvez juste me dire les deux loustiques là avec moi en vocal si le son est bien sur le stream? Normalement, oui, mais on sait jamais. Il y a peut-être des erreurs. Peut-être que le son de la musique est un peu fort, je sais pas. Peut-être des erreurs, genre il y a peut-être des gens qui sont en trop dans ce vocal. Ouais, genre ouais. Moi. Qu'est-ce que je fous là? Non, on espère que vous allez tous très bien. Déjà, on va peut-être dire un truc au live, même si ça paraît bizarre. Bonne année. Alors ouais, moi, je dis pas bonne année parce que te connaissant, le podcast va sortir au mois d'avril. Je le poste la semaine prochaine. Direct, les attaques directes. Là. Les... Non, bah, je le poste dimanche prochain, comme ça fera du contenu pendant que moi je suis à Paris. Mais promis, juré, il sera vraiment posté à cette heure-là. J'ai réglé les problèmes, tout va bien. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de nos attentes de 2024 en termes de jeux vidéo. Même si déjà, on peut dire que l'année commence très bien, puisque waouh, 2023, ça a vraiment été une année de fou pour le JV. J'ai pas raison, la mif. Waouh, wow, c'est ça déjà. C'est The Great Review. Voilà. Ouah, 6000 personnes licenciées en l'espace d'un mois. J'espère que vous appréciez. Mais même en termes de jeu, il y a eu quoi d'exceptionnel Alors, d'après The Great Review, il y a eu Baldur's Gate 3. Il y a eu TOTK. Il y a eu Hogwarts Legacy. Il y a eu Atomic Heart. Ah oui, mais Hogwarts Legacy dans les trucs de fou. Il y a eu Atomic Heart, mec. En jeu de fou. Je sais pas, c'est le truc avec les deux jumelles robots. Ouais, c'est des ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a, mais après, moi, ça a été quand même une année assez fantastique niveau JV. Bah, niveau JV sorti, en tout cas. Mais niveau équipe interne et niveau purement business, c'était de la merde. Oui. Bah, après, je pense qu'on est très très loin d'un 2017 ou des très grosses années ou d'un 2002 aussi. Ah non, je pense que 2023 ça a été vraiment une sacrée année. Et, c'est par le prisme de. Ah, très sincèrement. Plein de choses. C'est. 2023, je vois pas, même quand il y a eu Il y a eu FF16 aussi en 2023, même si. Mais FF16 est un peu passé. FF16 est un peu passé anniversaire. T'as eu du Street Fighter 6, t'as eu du Resident Evil 4, t'as eu du Alan Wake 2. T'as eu le nouveau Mortal Kombat aussi, Mortal Kombat 1. Oui, du Mortal Kombat. Ah oui, il y a eu SF6 aussi. Tu as eu du Armored Core, tu as eu. Techniquement, il y a eu Tekken 8, même s'il est sorti en début d'année. Déjà, mais c'est. Cette année, il y a le remake de Paper Mario. C'est vrai que tu l'as même pas mis dans les jeux que t'attends. Si, il est sur la miniature et je vais en parler. Ah, d'accord. Elle était obligée de le mais mettre. Mais comment ne pas mettre Paper Mario 2 dans. Ah, si, t'as dit effectivement Paper Mario 2, c'est un remaster ou un remake? Bah, je sais pas. Ça a l'air de ressembler à un remake quand même. Ça a l'air de ressembler à un remaster, je trouve. J'ai un truc, bah, je pense que quand on parlera, moi je dirai pourquoi j'ai quelques problèmes avec le fait que ça soit Paper Mario 2 qui soit remaster. Oui, non, mais moi aussi j'ai des problèmes. Remaster Super Paper Mario? Bah non, moi je préférerais. Enfin, on va y aller. On en discutera en temps voulu. Ouais. Okay. Je sais pas par qui on peut commencer. Bah, peut-être toi, Netchecou, c'est vrai que t'as pas l'habitude de commencer les émissions. C'est vrai. Donc, c'est vrai, j'ai pas l'habitude. de parler jeux vidéo ici. Non. Netchekou ne parle jamais de jeux vidéo, faut le savoir. Sur sa chaîne, c'est il ça. Parle de tricot. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Puis même, j'écris des articles maintenant sur le tricot, j'espère que vous appréciez. Et puis Netchekou, il commence à se faire vieux, donc c'est peut-être. C'est triste à dire, mais c'est peut-être son dernier produit en croix, donc. Oh la tristesse. Oh putain. Oh c'est, l'enfer c'est chaud, putain, le jour où je vais. Le jour où il y aura plus écrit Jemgina et Netchekou, je vais pleurer, hein. C'est ça. On essaiera de trouver quelqu'un de plus jeune la prochaine fois qui fera un peu plus que les émissions. Bon, Netchekou, de quoi qu'est-ce que tu attends en 2024? J'attends beaucoup de jeux, mais j'attends pas des gros jeux, donc vous attendez pas à ce que je parle de Final Fantasy VII ou autre, même si Jem en parlera. Non, moi je comme d'habitude, j'ai ma petite liste de petits trucs indés que j'attends. Et je vais commencer par un jeu qui normalement devrait sortir. Alors je vais commencer par un jeu qui sort au mois de février, je vais l'évacuer assez vite. Puisque il sort le 14 février prochain, c'est un jeu développé par Sanddor Studio, c'est un jeu parisien, et ça s'appelle Lisfanga. C'est un jeu assez bizarre à expliquer, Lisfanga, parce que c'est un espèce de jeu dans lequel on manipule le temps et on doit affronter différents pas mal, hein. ennemis. Et il est pas trop soporifique comme jeu ? Pourquoi tu dis ça ? Est-ce qu'il parce est fait que... par Sanddor Studio ? Parce que Sanddor. Ouais. Allez, commencer l'année sur de bonnes sur de bonnes bases. Donc voilà, Lisfanga, c'est un jeu un peu bizarre. J'ai eu l'occasion de le découvrir à la Paris Games Week. Il sort au mois de février prochain. Et je pense que le trailer parlera plutôt facilement de lui-même. Vous avez ce personnage qui se dédouble. Et votre objectif, c'est de faire en sorte que vous devez éliminer tous les ennemis d'une zone pour pouvoir progresser. C'est un peu un espèce de roguelike, non ? Vous avez un certain nombre de possibilités de rewind le temps. Et rewind le temps, en fait, ça va décupler les différents personnages, enfin, ça va doubler les personnages que vous allez avoir à l'écran. Donc, c'est un jeu d'action et en même temps, c'est un jeu de puzzle. Et c'est assez audacieux. J'ai très très envie de voir Coming si 2023, du coup non. Si le studio, non, il devait sortir en 2023, mais ce sera cette année, du coup, que The Time Shift Warrior, pour son nom complet, sortira. Donc n'hésitez pas à vous y pencher. Mais c'est un jeu sur lequel... c'est un jeu qui est assez difficile à expliquer en... Juste y sans y jouer. Il y a du gameplay de 2022. Donc, où il y a du 2021. Gameplay même... Oui, c'est un jeu assez ancien. Mais je vais parler d'un autre jeu que j'ai découvert à la Paris Games Week, puis après je laisserai un de mes autres camarades parler d'un de leurs créations. C'est un jeu français qui sort normalement au mois de juin-juillet, c'est pas sûr, c'est jamais sûr dans le monde du jeu vidéo. C'est Toads of the Bayou. Toads of the Bayou, c'est un jeu qui est développé par Lagrange, c'est le nom du studio. C'est leur tout premier jeu et c'est un mélange entre Into the Breach et Cult of the Lamb. Into the Breach pour le côté tactical RPG et Cult of the Lamb pour le côté on peut créer différents bâtiments pour améliorer ses statistiques et peut-être avoir d'autres personnages, mais ça pour le coup je ne fais qu'hypothéser. Hypothéquer. Émettre une hypothèse, ça suffit. Émettre une hypothèse, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont nous être disponibles lors des prochaines, peut-être prochaines démos qui devraient sortir peut-être en ce mois de février. Donc voilà, il y aura des choses à voir. C'est un espèce de tactical RPG, comme vous l'avez vu, avec manipulation de cartes, donc on a un espèce de deck building. Et ce que j'ai trouvé très audacieux avec Toads of the Bayou, c'est que tu peux vraiment... Si tu es assez malin dans ta run, faire en sorte de faire quelque chose d'assez parfait dans ton exécution. Donc il faut bien que tu choisisses les cartes que tu utilises, il faut bien que tu réfléchisses un peu à la nature du terrain à laquelle tu vas être confronté. C'est pour moi un jeu qui peut être une belle surprise de cette année 2024. Normalement sortie prévue en 2024 pour Toads of the Bayou. avec un petit peu de gameplay ici. Donc on a plusieurs îles. C'est vraiment la progression segmentée d'Into the Breach avec plusieurs îles, donc sans doute plusieurs caractéristiques. Même au niveau de la gueule, genre au niveau de l'ambiance en termes de couleurs, ça ressemble quand même beaucoup. Il y a ce côté un peu désaturé, un peu... Même, j'ai l'impression que la taille des maps est la même, mais je suis pas sûr. Non, c'est un peu plus petit, mais il y a quelques trucs qu'on voit. Il y avait par exemple le passage d'une caravane qui rappellera un peu le passage du train dans Into the Breach, pour ceux qui ont joué Into the Breach. Donc voilà, il y a quelques caractéristiques comme ça. Mais franchement, c'est un jeu qui est pour moi très très prometteur, que j'ai eu l'occasion de tester à la... que j'ai eu l'occasion de tester à la Paris Games Week, et qui était vraiment, vraiment très très très très bon. Donc... il y a quelques petits soucis de lisibilité, quelques petits bugs, mais bon, ça c'est grand classique des jeux. Bah, après, t'as testé une démo aussi, donc... J'ai testé effectivement une démo. Tu sais à peu près la taille du studio ou... Ils sont, je crois, 4 si je dis pas de bêtises. Ah oui, donc c'est vraiment pas beaucoup. Bah, comme Bugfable, je crois qu'ils étaient 4. Alexandre Clément, que je salue s'il nous écoute, qui est le créatif du jeu... Et si je vais sur leur Discord, je crois qu'ils sont pas énormément. Je vais juste voir un petit peu au niveau de l'équipe, parce qu'il y a il y a la présence de l'équipe, mais je crois qu'ils sont pas énormément. Alors évidemment, ils sont soutenus par un éditeur qui est Shiro Games, mais je crois que dans l'équipe, effectivement, ils sont 4, si mes souvenirs sont bons. Je regarde ça, il y a Alexandre, il y a effectivement une autre personne, il y a donc un sound designer, un animateur caractère, il y a une personne qui est malaisienne qui travaille sur les cartes, les illustrations des cartes et sur les artworks du jeu, et on a un environment artist pour le jeu. Ouais, donc, en fait, il y a beaucoup plus d'artistes que de développeurs, entre guillemets. Je pense que, en fait, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de productions indépendantes, c'est que tu vas souvent avoir des gens qui vont travailler sur plusieurs postes. Oui. Et pas parce que tu es 6, hein, par exemple, pour Stray, ils étaient à peu près une vingtaine, et on m'avait expliqué qu'il y en avait certains, certains touchés au level design, mais aussi à la programmation, et d'autres touchés à d'autres choses. Donc je pense que ils ont un titre, mais en réalité ils peuvent pivoter sur plusieurs aspects du développement du jeu. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans les équipes indépendantes. Mais ça serait intéressant de regarder, mais je pense aussi que vu que le principe des gens indés, c'est que vu qu'il y en a énormément, faut beaucoup se marquer par une DA un peu très reconnaissable. Différente. Et du coup, je pense qu'ils doivent miser énormément sur justement les artistes, etc., pour justement avoir une DA vraiment qui se démarque. Mais là, la DA est vraiment bien. Genre, la DA est vraiment stylée. Oui, justement, elle marque, elle est un petit peu. Mais tu vois, un peu tous les gens indés, ils ont toujours une patte. Alors, des fois, ils sont pas très jolis graphiquement, mais ils ont toujours une patte. Tu vois, même Undertale, c'est très reconnaissable, tu vois, par exemple. Ah, mais le jeu est vraiment, le jeu est vraiment très prometteur. Moi, je pense que j'attends de voir la prochaine démo pour voir un petit peu ce qu'ils vont nous réserver. Mais avec tout ce que j'ai vu. Je sais pas, moi je sens que ce jeu peut être une petite surprise, donc j'espère que s'il y a des fans de Tactical RPG dans la salle, vous attacherez à vous renseigner un petit peu sur ce Toads of the Bayou. Non, comme très, dit, très sympa. Hein. Première création du studio Lagrange, voilà. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu indépendant. Le dernier que j'ai fait, je crois que ça doit être Crystals. Ah oui, carrément. Donc, oui, ça remonte. Ça remonte. Ouais, ça remonte un petit peu, ouais. Non, puis même, je parlais du fait de la ressemblance avec Into the Breach. Je trouve que quand même le jeu arrive à se détacher de ça, pas forcément qu'avec le deck building, mais je sais pas, moi je trouve qu'il a son truc, quoi. Il a le truc que tu... Le truc le plus important, comme tu le disais, James, c'est de se démarquer pour les indés, et je trouve qu'il a pour moi réussi déjà à se démarquer avec le premier tour de table qui m'a réservé, donc... Donc j'attends beaucoup cette création qui devrait sortir normalement cette année, si tout va bien. Voilà. Mais bon, le développement de jeux vidéo est ce qu'il est, donc vous savez, ouais, forcément... Toujours un peu aléatoire. Il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. On le voit avec Silksong notamment, pour ne parler que de lui. Le fameux. Mais voilà. Malheureusement, ouais, c'est Silksong qui, bon, tarde à arriver, mais on espère qu'il arrivera un jour. De toute façon, un jour, c'est sûr. Il y a pas de raison, il y a pas de raison qu'il arrive pas de toute façon. Tu sais, c'est ce qu'on dit, hein. C'est un jour, c'est entre maintenant et la destruction de l'univers, donc bon, ça laisse une certaine marge. Oui, ou la mort des devs aussi, mais ça laisse une marge un peu plus légère. Un dev, ça se remplace. C'est un peu triste, mais oui. Oui, c'est un peu triste, mais oui. C'est triste, je pense, que tu viens de dire. Okay. Est-ce que tu veux... Jay, tu peux enchaîner. Eh bah, ok, bah très bien. Moi, je vais commencer par parler de... Je vais commencer par parler de mon gros jeu, que j'attends très très fort, puisque je vais parler de le gros bébé que j'attends depuis 3 ans. Je vais parler de Nivalis. Alors Nivalis, on a parlé de Cloudpunk dans les jeux de mi-2023, si je ne dis pas de conneries. L'épisode des jeux de mi-2023 qu'on a fait il y a... ça remonte. Ne vous inquiétez pas, on sort pas un épisode toutes les semaines non plus. Non, ça va, vous n'avez pas trop le temps. Normalement, c'est le... Il y a 3 épisodes, ça va. Franchement, vous n'avez pas raté grand-chose. On vous noie pas sous le contenu, hein. Ça va. Mais du coup, c'est Nivalis, c'est une, alors c'est pas une suite directe, mais ça se passe dans le même univers que Cloudpunk, qui va être la ville de, j'ai paumé le nom, c'est pas Night City, c'est dans Cyberpunk. De toute façon, c'est pas très important. Je l'ai plus non plus. De toute façon, c'est pas très important. On l'appellera Neon City. Neon City. Mais et du coup, vous incarnez un ou une restauratrice qui doit simplement faire prospérer son restaurant. Alors, vous savez que j'adore les jeux de gestion. Ah, mais je connais, c'est Dive Diver. Vous savez, j'adore les jeux de gestion de bar, notamment. Bah, c'est ça. Et là, ça s'inscrit totalement dans globalement ce que j'adore. Mais c'est un peu plus que simplement. Vous faites prospérer votre bar et c'est cool. Il y a aussi vachement ce côté... d'ailleurs, il y a une démo qui avait été disponible au Tokyo Game Fest. Du coup, je vais la montrer. Voilà, il y a toute une notion de gestion du temps en bas à gauche. On peut voir, il y a un petit... Enfin, du coup, pour vous, c'est en bas à droite parce que j'ai inversé les extraits pour éviter d'avoir des problèmes avec les ayants droit. Mais du coup, en bas, il y a un petit compteur de jours, etc. Il y a aussi tout un aspect de pêche. Alors, Jem va détester. Moi, je sens que ça va être une dinguerie. Il y a aussi tout un aspect de gérer les clients réguliers, etc. De lier des amitiés avec les clients réguliers. Il y a tout un côté très visuel novel, presque persona, dans l'aspect gestion des relations sociales. Sympa, ça. Du coup, Jem, là, c'est... ça a tiqué. Ah, c'était passé de « j'en veux pas de ton jeu » à « ah, peut-être ». Mais en fait, en gros, je crois que le dev le définit comme littéralement un life simulator, un simulateur de vie. Parce que, ok, tu gères ton restaurant, mais le jeu n'est pas que ça. Il y a aussi, on a pu le voir, il y a une gestion d'appartement. On peut se promener dans la ville. Il y a tout un aspect de gestion des ressources de son resto, oui, mais il y a aussi lié des amitiés, etc. C'est très beau, en tout cas. Et c'est vachement plus beau que Cloudpunk, puisque entre-temps, ils ont embauché des artistes, parce que Cloudpunk s'est bien vendu, et voilà. Ah oui, mais c'est surtout... Cloudpunk, c'était surtout leur premier vrai leur jeu. Leur premier vrai gros jeu, ouais. Ironland. Forcément, c'était... Ironland, qui avait été énormément critiqué sur son premier jeu pour l'aspect graphique, et ils ont fait, Cloudpunk, on va essayer de faire un truc bien mieux. Un peu mieux, et c'était pas mal, mais c'était clairement... Ne faites pas le jeu sur Switch. Ouais, non, le faites pas sur Switch, Cloudpunk, c'est vraiment pas bien. Mais là, on garde cet aspect un peu voxel dans les décors, personnages sont des vrais persos, c'est un peu mieux. De mémoire, il est pas si moche que ça, Cloudpunk. Sur Switch, il est mal optimisé. Ah, Switch, j'avais compris, sur Twitch, j'étais en mode, ah ouais, faut carrément pas le montrer. Non. En mode, vous êtes sévère quand même. Non. Mais j'ai le jeu sur Switch, donc je peux attester. Ah oui, d'accord, ok. Oui, sur Switch, oui, il y a moyen que ça soit pas très bon. C'est un peu de la N64, des fois. C'est... Voilà, c'est... En fait, si je... Le jeu était trop audacieux pour la Switch. Hein. Si je dois décrire Nivali, je dirais que c'est un peu ce qu'essaye de faire Cyberpunk en enlevant les guns et en rajoutant du lore building. Cyberpunk, c'est vraiment un jeu que j'apprécie pas des masses. Je trouve qu'il essaye d'être trop grand et du coup, c'est les problèmes de CD Projekt, quoi. C'est globalement, on essaye de faire des trucs de plus en plus grands et qui pètent tout, mais en vrai, ça reste quand même malheureusement assez vide. J'allais dire l'industrie du jeu vidéo en général, tu vois. Ouais, mais tu vois, genre là, ils ont fait un monde un peu plus petit, donc ça a l'air quand même beaucoup plus l'attention dans les détails. Là où Cyberpunk a l'air d'être un monde un peu... c'est un monde qui reste vivant, mais je trouve que c'est vivant, mais vite fait, quoi. Comme t'as un monde plus petit, c'est plus simple de faire un truc qui a l'air d'être en vie et qui a l'air de bouger un peu. Surtout qu'il y a une notion petit, de jour, etc. Je vois les images tourner un peu. Il y a de l'audace quand même dans ouais, cette... Ouais, non mais ouais, c'est encore une... Moi je trouve ça fou, ça a l'air d'être un jeu l'équivalent d'un triple I en fait. Triple I c'est la notion de triple A mais pour les indés. Ou de double I, je sais plus comment on dit. Je crois que c'est ça. Ça a l'air vachement bien. Moi j'attends ça depuis la sortie de Cloudpunk. Le fait qu'en plus ça se passe dans le même univers, c'est vachement cool. Mais apparemment il n'y aura pas besoin d'avoir joué à Cloudpunk pour comprendre. Ce qui est vachement bien. Ça en fait une suite sans réellement en être une. Moi j'espère juste qu'on pourra revoir les persos de Cloudpunk dans Nivalis. Je sais pas si ce sera le cas, mais j'espère. Ça serait sympa. Mm-mm. Voilà. Moi j'ai fini ma petite chronique sur mon jeu de con là. Petit jeu. Je peux enchaîner ou vous voulez parler d'un autre jeu peut-être ? Non, vas-y. On fera chacun notre tour, je pense. Ok, d'accord. Je vais direct commencer par le plus proche de la sortie parce que là j'ai mon gros jeu, mon futur GOTY 2024 qui sort dans 5 jours. Oui, je crois que c'est ça, 5 jours. Donc c'est bien sûr Persona 3 Reload. Like a Dragon, Infinity Wealth. Ah oui, d'ailleurs, je suis très con, la ville dans Cloudpunk c'est Nivalis. Voilà, c'est le titre du jeu du coup. Ah, c'est pour ça que je me rappelais plus. Effectivement, ça me paraît cohérent. mais du coup voilà. Donc moi c'est un jeu que j'attendais beaucoup parce que j'ai découvert Persona 5 il y a... 3 ans. 2 ans. 2 ans 3 ans 3 ans. Non, 2 ans, 2 ans je crois. Quand même, non, parce qu'il était déjà. De toute façon, c'est simple. Quand est sorti le produit en croix sur Persona 5 Royal? Oui, non, t'as raison, ça doit faire 3 ans. mais du coup, voilà. Donc, dans la foulée, du coup, j'ai fait Persona 3 et Persona 4, du coup, dans cet ordre-là. Et Persona 4, j'ai plus de problèmes, on va dire, mais Persona 3, j'ai vraiment adoré. Bon, ça 3 ans. 3 ans, bon, voilà. Et du coup. Bon, ça restait un vieux jeu, c'est-à-dire que Persona 3 fallait se... une intervenante ici présente l'a abandonné plusieurs fois. Deux. mais voilà, Persona 3 c'est un vieux jeu, du coup, bon, moi j'y jouais en me disant, bon faut bien que tu te dises que c'est le prototype de Persona 5. Mais c'est vrai que moi j'avais adoré les persos, j'avais adoré l'histoire qui était vraiment super cool. Il y avait un super univers déjà. T'avais déjà vraiment toutes les bases qui feront Persona 5. Mais avec des trucs que tu retrouves pas après, c'est-à-dire que par exemple, moi où les persos de Persona 5 je les trouve un peu creux, dans Persona 3 t'as un peu moins ça, c'est-à-dire les persos sont un peu plus développés, sont un peu moins manichéens, etc. J'ai l'impression que ouais c'est ça, le problème des persos de Persona 5 c'est qu'ils étaient très manichéens, hormis ceux de oui, Royal. C'est ça, genre Ryuji, bon, sa backstory c'est que il a mal au genou quoi. Bon, je caricature mais c'est un peu il ça. Il s'est fait les croisés, donc... globalement. Donc voilà, mais du coup, Persona 3 j'avais vraiment adoré. Et du coup, je me disais, c'est dommage parce que je recommande Persona 3 à plein de gens, mais c'est dur parce que le jeu est vieux, les mécaniques sont vieilles, et en plus vu que les gens généralement, vu que Persona 5 c'est vraiment l'égérie, les gens ils commencent par Persona 5, et quand ils arrivent à Persona 3 ils se disent, est-ce que c'est nul? En plus les gens font les jeux dans les... dans... à rebours. Oui, c'est ça, à rebours. C'est moi, c'est ce que c'est je pas dis, la même quality of life. C'est. C'est ça, faut éviter de faire ça parce que en fait, si tu fais les jeux à rebours, si tu fais 5-4-3, on va vraiment t'enlever des trucs à chaque fois. Du coup, c'est ultra frustrant. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, j'avais évité de faire ça. Mais là, du coup, j'attendais un remake, donc il y avait des rumeurs. Moi, les leaks, j'essaye toujours de. Même quand c'est un truc qui me. C'est drôle parce que le perso qui fait un moonwalk, c'est l'arcane de la lune. C'était ça la vanne. Mais du coup, moi je me disais, putain, j'aimerais trop un remake. Et du coup, il y avait des leaks et j'étais en mode, non, mais je vais pas y croire parce que si c'est pas vrai, je vais être déçu et tout. Mais d'ailleurs, on en parlait déjà dans un des anciens produits, c'est on croit, il me semble, des leaks de PS3. Les deux leaks se sont révélés juste, oui. Puisque Persona 3 est sorti. Et Jet Set Radio a été annoncé. Oui, Jet Set Radio. D'ailleurs, c'est même pas un remake Jet Set Radio, c'est un nouvel opus. Ouais, c'est un qui apparemment sera open world, j'ai très hâte. Mais du coup, c'est marrant parce que techniquement, il y a eu deux leaks, parce qu'il y a eu un leak assez vieux, et ensuite, le CM d'Atlus a leaké le jeu un jour avant. Ce qui fait que du coup, moi, tout le monde, tout le Twitter persona était en feu, parce que du coup, un jour avant, on a eu la vidéo qui a drop, et forcément, tout le monde l'a vite enregistrée et rediffusée sur les réseaux sociaux. Et du coup, moi, j'étais comme un fou, et depuis, j'attends le jeu. En plus, le jeu est magnifique, là, vous voyez. Là, c'est très, très beau. Mais du coup, ça fait bizarre, parce que c'est tellement un jeu que les gens, ils ont fantasmé, que du coup, t'as un peu l'impression que c'est fait par des trucs de fans, parce que ça fait tellement pas réel, genre, de voir Persona 3 comme ça. Il y a ce côté Steve dans Smash. Steve dans Smash, ouais. Et t'as un peu l'impression, et du coup, ça fait un peu pas vrai, mais c'est fou. Et en plus, ce que je trouve vraiment cool... Il sort dans pas longtemps, quoi. Il sort dans 4 jours. Oui, c'est ça. Il sort dans 3 ou 4 jours, ouais. Il sera sorti quand le podcast sera dispo. Et du coup, c'est un truc où j'étais en mode, mais genre... J'espère qu'ils vont rajouter des features. Moi, je sais que je sais plus si j'en avais parlé dans un produit en croix, mais moi j'avais très peur parce que je me disais le problème de Persona 3, c'est vraiment le fait que le jeu, quand il joue maintenant, il est un peu vite. Tu vois, que dans Persona 5, évidemment, il y a 8 milliards de features dans tous les sens. Il y avait un peu ce côté dans P3, et moi j'avais fait P3 portable. Qui pour le coup était la version entre guillemets la plus complète au niveau des confidents et tout, mais j'avais beaucoup l'impression d'avoir un côté très peut-être trop routinier, genre je sais pas si tu te souviens, Jem, mais genre j'avais fait une liste de tous les jours aller voir qui, et c'était tout le temps pareil. Oui, et, c'est ça. Et... Tandis que dans Persona 5, t'as plus de trucs parce que t'as le petit boulot, etc. Là, je crois qu'ils ont. Alors, j'ai essayé de pas trop me spoil, mais ils ont ajouté aussi des trucs pour passer du temps. Notamment, il y avait un gros défaut de Persona 3, c'était le fait que tu passais pas de temps avec les mecs de ton équipe, en fait. Tu passais des temps que avec les filles. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé Persona 3 portable avec du coup la fille jouable pour pouvoir passer du temps avec les mecs en même temps. Et du coup, c'était un peu le truc où tu te disais, aujourd'hui, ça passerait plus trop, tu vois, d'avoir la moitié de ton équipe avec qui tu peux pas passer du temps. Et du coup, l'ont là, fait ils ont P5. Essayé de. C'est ça. Et du coup, là, ils ont essayé un peu de. Et même dans P4. Oui. Ils ont essayé un peu de corriger ça. J'ai vu qu'ils avaient fait un peu les mêmes mécaniques que dans P5, c'est-à-dire que maintenant, les confidents, notamment ceux de ton équipe, je sais pas si les autres le font aussi. Mais notamment ceux de ton équipe, tu sais, ils te donnent des améliorations au fur et à mesure que tu les montes, comme dans P5. Ça, c'est pour bien. Un peu te motiver à monter les confidents. Et c'est vrai que pour le coup, c'est cool parce que ça va vraiment faire ce qu'on voulait, quoi. Un Persona 3 remis au goût du jour. Persona 3 s'il sortait maintenant, quoi. Et moi, c'est vraiment un truc que j'attendais. Donc je suis vraiment très très heureux et je vais bien sûr l'acheter Day One. D'ailleurs, il est déjà commandé. Il est arrivé chez moi le 2. Donc voilà. voilà. Pas si Jay, toi, t'avais des trucs à rajouter sur ce sujet-là. Moi, du coup, j'ai très hâte d'y jouer, évidemment, parce que P3, c'est un peu un jeu. Je vais pas dire c'est un jeu qui me hante, mais en même temps, je l'ai harcelé pour qu'elle la fasse. Ouais, et le truc, c'est vraiment, je n'y arrivais pas, pas par difficulté, mais vraiment par pure lassitude. C'est le jeu, il m'aspirait ma force vitale. En plus, j'ai dû le faire en anglais. Ça va bien, hein, ça va bien avec les sujets du jeu. Oui, j'ai dû le faire en anglais et lire de l'anglais. Comment il s'appelle ? Apollo Justice en anglais. Parce que j'avais pas trouvé de ROM française, parce que j'étais à chier. Mais j'avais galéré et c'est un truc qui me fatigue, lire de l'anglais. C'est compliqué, hein. C'est, et là, alors, j'ai pas de problème particulier, mais c'est vraiment juste dans la pure traduction. Plus, Mais tu vois, quand tu joues à un jeu en anglais, des fois, tu connais, tu sais comment la phrase va s'articuler, mais t'arrives pas à la traduire. Tu fais, ouais, c'est ça, t'arrives pas à la traduire. Tu fais, putain, mais attends, ce mot, il veut dire quoi déjà? Et t'es comme un con, t'es comme une conne, et tu dis, et tu fais, ah, mais oui, putain, c'est vrai. Et moi, j'avais fait l'expérience, j'avais joué à Radiant Historia à l'époque, en anglais, et le jeu est en anglais, il n'y a pas de traduction française. J'avais fait le jeu une première fois, je l'avais fini en 50 heures. J'avais relancé le jeu une deuxième fois et je me suis dit, cette fois-ci, je vais me concentrer sur les dialogues en anglais et tout. Je vais essayer de tout lire, tout traduire et tout. J'étais à 45 heures et j'étais à un tiers du jeu. Oh ah oui, ouais, c'était infernal. C'était infernal. Mais moi, tu comprends beaucoup mieux le scénario quand tu fais ça. Ah bah, c'est sûr. C'est juste, ça prend tellement de temps et d'énergie, quoi. C'est pour ça que je bénis le fait en plus un persona, c'est de base, c'est long. Alors si en plus il y a beaucoup de dialogues. Alors moi, pour le coup, ça m'avait pas posé trop de problèmes, mais je bénis le fait d'avoir des voix, en fait. Oui. Parce que quand tu suis les voix, ça te paraît beaucoup plus clair. C'est bizarre, mais enfin, je sais pas. C'est chaud. Moi, Bug Fable, je crois que le premier chapitre, lorsque je l'avais fait la première fois, j'avais fini en quoi 5, peut-être 3 heures, je crois. Le premier chapitre, tu le finis en 3 heures à peu près. Ouais, je crois que j'avais mis. Peut-être passé un tiers de plus ou deux tiers de plus en lisant correctement tous les trucs, quoi. c'est long, quoi. Du coup, je comprends que quand t'as un jeu comme ça qui est semi. On va dire semi-visual novel, surtout si tu joues à portable qui ressemble vraiment à un visual novel pour le coup. C'est vrai que bah, du coup, lire des tonnes et des tonnes de dialogues en anglais, quand on n'est pas habitué, ça peut être compliqué, quoi. Ouais, bah, Radiant Historia, c'était mon premier jeu en anglais. Donc même niveau accessibilité. C'était pas évident, quoi. Bah, c'est pareil, il y a du coup. Bon, c'est pas un jeu qu'on attend vu qu'il est sorti techniquement, mais il y a. La trilogie Ace Attorney du coup qui est sortie avec les voix, le texte en français. Et du coup bah ça va évidemment aider les gens à pouvoir y jouer parce que jusque là. Salut Nidox. Bonjour, je savais pas que vous étiez en live. Salut Nidox. On parle de Persona 3 Reload là. Oui. Mais ouais, clairement ça va faire de l'accessibilité. Moi je sais que bon, j'ai détesté Ace Attorney 5, mais je pense que je l'ai aussi en partie détesté parce que. Bah, je jouais sur une ROM de fan FR, donc pas super bien traduite, qui buguait un peu et tout. Je pense que ça m'a pas aidé à apprécier le jeu. Donc c'est vrai qu'avoir le confort de jeu. C'est ça. Avoir le confort de jeu, d'avoir un jeu traduit en français que tu peux suivre en français et tout, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Je reprends mon exemple parce que j'ai joué à Persona 5, le tout premier, Vanilla, en anglais. Ouais, moi aussi. Ah, il y avait pas le choix. Sorti, t'avais pas le choix. Et j'ai eu 90 heures sur le jeu, donc. Mais il y a à mon avis plein de trucs qui m'ont échappé parce que à l'époque j'étais pas assez entraîné à parler anglais. Ouais, quoi, bah ouais, Après pour le coup, Atlus ils ont fait un sacré effort parce que quand ils ont ressorti du coup P3 et P4, ils les ont ressortis en français aussi. Donc ça c'est ressortir un jeu qui était que en anglais et faire l'effort de le traduire en français. Il y a vraiment très peu de studios qui l'auraient fait. Pour donner une petite idée. Déjà Capcom l'aurait pas fait, MDR. Bah du coup si, mais bon, après c'est un semi-remake. Voilà. Pour donner une petite idée, 150 000 lignes de dialogue, je crois que c'est 20 000 euros. Ouais, ah ouais. Non, ça a dû leur coûter pas mal cher. C'est immense. Ça a dû leur coûter pas mal cher et du coup ils l'ont fait dans plein de langues différentes. Et c'est vraiment impressionnant. Après, peut-être parce que je suis très très. C'est moi ou le micro de Jem a glow up? Non, parce que je pense que je suis loin de Jem qui a glow up. C'est pas aussi impossible que j'ai mis des effets pour faire en sorte que ça aille mieux. Mais. Il a une voix dégueulasse encore, très bien. Il a essayé de masquer ma voix de secrétaire que je sonne un peu plus grave. Hein. mais non, pour le coup, si je pouvais nuancer un peu, parce que Persona 3 Reload, j'attends beaucoup. Mais c'est vrai que, et c'est un peu le consensus actuellement dans la commu Persona, c'est que on attend à ce qu'ils rajoutent quand même des trucs qui viennent d'autres jeux. Donc notamment du coup le perso féminin de Persona 3 Portable et The Answer, du coup le post-game de Persona 3 FES, qui rajoute pour le coup vraiment un vrai scénar et qui vraiment un peu on va pas dire conclure, parce que la fin de Persona 3, elle conclut déjà bien. Mais c'est vrai qu'elle rajoute une profondeur aux persos qu'ils ont pas forcément dans le jeu de base. Parce que c'est beaucoup plus proche des persos, la partie The Answer. Et forcément, ça monte l'après. Du coup, forcément, quand t'as beaucoup aimé Persona 3, t'as envie de voir qu'est-ce qui se passe après la fin et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui demandent, à après, ce qu'ils adaptent ça aussi. De ce que j'avais lu, sans spoil, ils voulaient vraiment prendre plein d'éléments de tout ce qui avait été fait autour de Persona 3 et de faire leur propre version. Donc je sais pas ce que ça va donner, honnêtement. Bah, en fait, justement, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que au début, ils étaient en mode on va prendre que des éléments de P3 de base parce qu'on veut vraiment faire un remake de P3 de base. Mais ensuite, on le voit un petit peu dans la vidéo que vous montrez. Genre, il y a un moment où il y a Jack O'Lantern et Jack Frost qui font une attaque combinée. Et ça, combinée. Ça n'existe que dans P3 Fest. Ça n'existe pas du tout dans P3 normal. Même ça n'existe pas dans les prochains jeux. Ça n'existe plus dans les jeux d'après. Et du coup, visiblement, donc ça, c'est des éléments de P3 Fest qu'ils ont repris. Donc voilà, le côté, j'imagine que du coup, tout ce qui va être temps passé et un peu semi-confident avec les membres de mecs de ton équipe, c'est des trucs du coup qui viennent de Persona 3 portable du coup quand tu jouais la meuf. Donc c'est vrai que. P3 Fest, oui, c'est marrant. Ouais, c'est la fameuse bague. Donc du coup, voilà, t'es en mode, est-ce que vraiment ils vont prendre que des trucs de Persona 3 ou est-ce qu'ils vont. Et c'est surtout que ça serait un peu bête de pas rajouter. Je veux dire, ça leur prendrait pas énormément de temps et ça ferait des DLC quasiment déjà faits, tu vois. C'est, ils auraient pas eu besoin d'avoir des idées, tu vois. Ça fait non, du contenu additionnel tellement gratuit à faire, franchement. Les DLC quasiment faits, c'est les tenues pour les personnages, voyons. Oui, non, mais c'est d'être très stylé d'ailleurs. J'hésite très fort à les prendre. Donc après, qu'est-ce qu'ils font parce que pour le coup, c'est le premier. Vrai remake, techniquement ils avaient fait des portages de Persona 1 et tout sur PSP, mais c'était un peu différent et en plus c'était pas la fameuse trilogie de Persona 3, Persona 4, Persona 5. Persona 3 est le premier Persona, enfin je vois pas de quoi tu parles. Ouais, voilà, exactement. Il y a pas de jeu avant. et du coup ils sont. On sait pas trop ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils adaptent le jeu de base? Est-ce qu'ils vont rajouter des trucs? Ce serait un peu con de pas faire une version ultime où t'as un peu tout. Après, si vraiment ils veulent prendre la substantifique moelle de Persona 3... Tu parleras de Fire Emblem, de Final Fantasy tout à l'heure. Moi, je pense que va à peu près prou avoir la même chose. Alors, pas sur 3 épisodes, mais ils vont vraiment essayer de réécrire Persona 3 comme... comme ils veulent le réécrire, quoi. Je pense qu'on va vraiment avoir ça pour le coup. Peut-être. Après, c'est vrai que le souci de. T'as toujours le problème de. Est-ce qu'ils vont pas réparer un truc qui marche déjà, tu vois. C'est. Ça, donc, c'est. Après, c'est des choix qui vont être faits. C'est un ça, peu c'est... le souci, tu vois. Mais, c'est toujours, Mais après, la base est quand même très solide. Les ajouts, je pense qu'ils seront très solides aussi. Donc. Je les vois pas se gameler non plus. Ça me paraît impossible de faire un mauvais jeu. Quand même. On discutait un peu avant avec Necheku qui disait un peu que c'était le choc entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, entre P3, Reload et Refantasio, dont on parlera un peu après. Métaphore. Ouais, mais c'est Refantasio. C'est métaphore Refantasio. Ouais. Mais du coup, voilà, c'est un peu le choc des deux parties d'Atlus, donc les anciens et les nouveaux. Donc c'est vrai que, est-ce qu'ils vont essayer de vraiment un peu remixer P3 pour un peu montrer, nous, maintenant, c'est nous les boss de la licence Persona. Vous avez décidé de vous barrer de Persona, mais du coup, maintenant, c'est nous qui gérons. Ou alors, est-ce qu'ils vont rester vraiment à coller à la vision originale, du coup, des devs, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Après, quand on voit le chapitre Persona 5 Royal, il y a quand même de grands espoirs, je veux dire. Ah oui, c'est vrai, non, que ça... c'est incroyable, quand même, c'était vraiment... C'était quand même assez incroyable ce qui nous avait arrivé. Et même Strikers. Même Strikers qui était bien, ouais. Strikers était un peu classique. Tactica apparemment est très bien. Tactica est apparemment très très bien. Tactica est très bien, mais Strikers, je vois surtout niveau scénar. Tactica apparemment est très solide. Dans la ligne directe, ça se tient très bien. Après, moi c'est du Musso, donc je déteste les Musso. Mais, mais niveau scénar, pour le coup, quand tu mets le jeu en mode facile et que tu rushes les donjons, niveau scénar, le jeu se tient très bien, quoi. Donc, le jeu se tient bien, je l'ai trouvé un peu classique, mais bon. Enfin, un peu j'ai pas trop d'inquiétude. J'ai pas trop d'inquiétude sur Persona 3. Après, reste à voir. Le jeu a l'air cool. Reste à voir ce qu'ils vont en faire. Ouais. C'est. Je m'inquiète pas trop. Voilà, voilà. Alors. Verdict du coup dans pas longtemps. Oui, bah ouais. Oui. Bah, du coup, dans 4 jours. Enfin, un peu plus le temps qu'on fasse le jeu. Voilà. Dans 4 mois. Et pour vous, bah, du coup, pour vous, le jeu est déjà sorti puisque du coup, ce podcast sort le 4. Mais n'hésitez pas à nous dire si le début il est bien. Voilà, les 10 premières heures là. Alors, il nous reste à parler. C'est le thème de Rouge, ça. C'est le thème de Rouge, oui, c'est Flying to Freedom. Flying to Freedom. Parlant de thème. Le test en même temps. Parlant de thème, le thème principal de P3 Reload est. Incroyable. Oui, il est très très bien. C'est. Comment alors, il s'appelle Full Moon, Full Life, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ils se font un peu. Je suis un peu mon vieux con parce que c'est... Alors, autant l'opening est vraiment... Oui, c'est pas Burn autant... My Dread. Non, c'est pas ça, mais c'est surtout qu'ils ont remixé, du coup, beaucoup de musique de Persona 3 originale, et moi, je préfère quand même les versions originales. Et moi, moi j'avais... Il y a des trucs... Ils ont essayé un peu de gommer le côté bizarre de Persona 3, notamment, il y a une musique Changing Season qui est très bizarre parce qu'en fond, t'as une meuf qui parle sur une voix monotone en français. Mais c'est ça que je trouve qui donnait le charme de la musique, donc ils l'ont enlevé pour faire un truc un peu plus écoutable, quoi. Mais c'est vrai que ça perd le côté... je sais pas, quand tu joues à P3, t'avais une ambiance un peu étrange, un peu malaisante, tu vois, et que tu perds un petit peu quand tu fais des modifications comme ça, tu vois. Oui. Mais ça, c'est des trucs pour coller plus aux gens qui kiffent P5, forcément. Mais moi, je m'étais plaint, moi je me plains toujours du thème de combat, Mass Destruction. Je trouve que la version de base est meilleure, qu'elle a beaucoup plus d'entrain, elle a beaucoup plus de... Tu vois, typiquement, c'est il y a vraiment un côté, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que P3 de base, ça a une ambiance qui est très difficile, très compliquée à expliquer, bah, parce que... étonnamment très dans l'air de son temps, en fait. Genre, typiquement, et c'est marrant parce que, genre, je regardais sur Twitter, tu vois, et il y avait des gens qui étaient en mode « Ah non, j'aime pas la nouvelle version du dortoir, je trouve que la version de base dans P3, elle était chaleureuse et tout », et j'étais en mode... Vous avez trouvé le dortoir dans P3 chaleureux. Moi, justement, je trouve que ça a l'air horrible de vivre là-dedans. Et justement, c'est plus cette idée-là. C'est que le truc a l'air ultra oppressant et tout. C'est genre... Vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec le thème d'après-midi de Persona 5? C'est ça, c'est le côté... Mais tu vois, en même temps, le dortoir, il a l'air oppressant. Ça a l'air d'être un vieux dortoir qui limite fuit partout et tout. Mais en même temps, t'as une musique ultra punchy dessus, tu vois. D'un côté, pareil, les thèmes de combat, t'es dans une espèce de tour horrible, labyrinthique et tout. Et en même temps, t'as Mass Destruction, qui est le truc le plus punchy et le plus groovy, avec des baby au milieu. T'as une ambiance où t'as l'impression que des trucs vont pas ensemble. Et justement, je trouve que c'est un peu ce qui fait l'identité du jeu. Et j'espère qu'ils vont garder ça dans... J'espère qu'ils... Justement, c'est ce que je disais un petit peu dans les trucs. Réparer un truc qui marche déjà. J'espère qu'ils vont pas essayer de gommer cette ambiance un peu bizarre, quoi. Bon, on verra de toute façon ce que Persona 3 Reload va donner. De toute façon, on n'a pas longtemps à attendre. C'est l'avantage. Ouais. C'est ça. Bah, vous aurez plus pour vos jeux respectifs. Je pense que vous aurez plus à attendre. Nivalis, il sort quand? Nivalis, il n'y a pas de date. C'est 2024, mais il n'y a pas de date. Netcheku, tu voulais parler, t'avais encore quelques jeux sur ta liste. J'avais deux jeux à présenter. Je vois encore un jeu qui m'intéresse très fort. On va parler de Bo. C'est peut-être celui-là. Non, moi c'était Gecko Gods. Mais attends. Ah, bah tu en parleras, on en parlera en même temps. Moi je vais parler de Bo The Path of the Teal Lotus. Parce que c'est un jeu dont je me rappelais jamais le nom. Et alors, Bo, qu'est-ce que c'est? Bon, je suis un peu vendu, mais ça a l'air d'être un Metroidvania avec la réalisation graphique d'Okami. Ah oui, je l'avais vu. Oui, ça avait l'air très bien. Ça avait l'air très bien. Et je trouve le jeu vraiment. Le héros, c'est vraiment Amaterasu, quoi. C'est... oui. C'est Amaterasu et Hollow Knight. C'est un peu ça. Et donc, du coup, Bo... C'est très très joli, je connais c'est vraiment normalement... beau. Il est normalement prévu pour cette année, d'après le Discord des développeurs. C'est un jeu, alors on n'a pas de date plus précise pour Putain, c'est beau, Winnie Docks, c'est beau, le jeu s'appelle Beau. Et c'est un jeu qui a l'air d'être déjà magnifique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais en plus, ça a l'air d'être un jeu qui développe plein de petites idées très très sympathiques, même si on voit beaucoup les emprunts à Hollow Knight. Là, j'ai vu vraiment les mantes, j'ai vu vraiment les sœurs mantes. C'est. Il y a aussi des emprunts à Ori pour possiblement le système de combat. Il y a des emprunts, comme je l'ai dit, à Okami pour tout l'aspect du Japon féodal. Domo, etc. Je suis japonais. Hein. Il y a un mythes japonais. Exactement. Il y a un système de. Alors, j'ai pas trop compris le système, mais c'est un système de thé, visiblement, qui permettrait d'obtenir des compétences supplémentaires. Donc, peut-être un système de badge, un peu comme on pouvait avoir dans Hollow Knight aussi. Mais je trouve que le jeu arrive à vraiment sortir une DA, une identité. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un jeu aussi. Marqué aussi, ouais, aussi marqué, aussi et aussi beau aussi d'une certaine manière, parce que vraiment je trouve le jeu sublime, et ça fait partie de mes attentes dont on ne sait pas grand chose. Il y a la bêta qui est privée, c'est un jeu qui a été kickstarté, qui a remporté son Kickstarter, et donc il y a des gens qui ont eu le privilège de tester le jeu en avant-première pour savoir de quoi il en retournait. Et les premiers retours sont vraiment excellents, donc j'ai très très hâte. Et puis, après certains diraient c'est encore un Hollow Knight-like, oui, il y en a plein. Après, au moins, il ressemble moins à Hollow Knight, même s'il ressemble beaucoup que la copie de Pocket Pair, là. C'est... au moins, on peut lui admettre ça. T'avais Crossworn aussi qui était un jeu. Oui, qui et vraiment Constance. Ça c'est une meuf dans One Piece. À Hollow Knight. Oui, il y a Constance mais, aussi qui ressemblait beaucoup à Hollow Knight. Mais comme l'a dit Midoc, il y a aussi un rappel à Muramasa The Demon Blade qui est un hack and slash qui était sorti sur Wii en 2009. MDR, nos esprits sont connectés déjà. Ah, t'as pensé à Black Maria. Et qui était également sorti sur PS Vita. J'attends ce jeu avec beaucoup d'impatience parce que c'est un univers qui me parle d'une certaine manière, c'est un gameplay qui me parle, ça a l'air d'être très très bien construit, ça a l'air quand même d'être juicy, ça a l'air d'être bien fait, donc moi j'ai très très envie de voir ce que peut donner. Moi j'espère qu'il réussira. J'espère qu'il réussira à se démarquer de Hollow Knight surtout. Je pense honnêtement, d'après ce que je vois sur le Discord, et que ça sera pas genre déjà rien que la DA est quand même relativement différente, quoi. Oui, le mais perso de base ressemble. Oui, mais tu vois la DA, la DA est quand même différente. La DA malheureusement entre guillemets, on peut dire oui, mais Bug Fable c'est Paper Mario avec des insectes, alors que tu vois fondamentalement il y a quand même beaucoup de différences. Oui, mais après la DA. La DA de Bug Fables est quand même moins bien marquée par rapport à celle de Paper Mario, tu vois. Oui, c'est Paper Mario, mais avec des insectes et des décors 3D un peu moches, mais... Oh, ça va, c'est joli. Non, mais... C'est petit budget, on va dire. Voilà. Ah, c'est petit budget. Pour le coup. Effectivement, j'espère pour Nintendo que Paper Mario 2 Remaster sera plus joli que Bug Fables, sinon c'est un peu sale. C'est un peu triste. Mais Beau The Path of the Lotus est développé par Squid Shock et ça devrait sortir normalement cette année. Milieu de l'année apparemment d'après le Discord, on verra. On verra ce qu'il en sera, mais ouais, j'ai très très envie de voir un peu ça tourner et on verra si le jeu... Bug Fable c'est en 60 FPS lui au moins. C'est vrai. C'est vrai. C'est réel ça. Cela dit, Paper Mario, la porte Milena sera peut-être en 60 FPS sur la prochaine console de Nintendo. On sait pas. Hein. La fameuse Switch 2. La fameuse Switch 2. Switch 2 qui est censée sortir depuis 2019 quand même. Ouais. D'après les gens, la Switch 2 aurait dû sortir avant la Switch 1 d'ailleurs. On ne peut pas toujours avoir raison. Mais il y a des gens qui ont souvent tort quand même. C'est vrai. C'est totalement. Ah mais la démo. Ah oui, du coup, si vous voulez retrouver un truc, c'est vous avez accès à la démo. Il y a une démo qui a été faite sur le YouTube du studio. Et c'était lors du IGN Asia qui était en mois de septembre dernier. Et pendant 25 minutes, vous avez un peu à quoi ressemble le jeu. Parce que mine de rien, le jeu est quand même très discret dans sa communication. Donc, C'est mieux. Je pense qu'il en a, pour un il jeu, en a encore pour un Metroidvania, c'est mieux de pas trop montrer. Oui, oui, c'est mieux. C'est logique. C'est vrai que j'en ai très peu entendu parler personnellement. Et moi, j'arrivais pas à chaque fois, je me rappelais jamais du nom. Et puis, quand je l'ai vu repasser, j'ai fait ah, ok, je vais me mettre sur le Discord, comme ça je suivrai un peu les, les infos de ce jeu. Est-ce que tu veux qu'on parle de Gecko Gods comme ça tu... Bah écoute, moi j'avais une super transition. On a un peu parlé de Paper Mario la Porte Millénaire. Je vais pouvoir en parler vite fait. De toute façon, Paper Mario la Porte Millénaire, j'avais pas besoin, j'ai pas besoin d'en parler 107 ans. Déjà, j'ai vu ce livre à l'annonce, j'ai hurlé. C'est... Voilà, que dire. C'est mon gros jeu du cœur. C'est le jeu de mon enfance, le jeu de mon adolescence, le jeu... J'espère pas le jeu de mon... Il n'y a pas de terme pour dire la vie d'adulte. Mon dernier jeu. Je quitte YouTube. Mais le jeu est incroyable. Et voir un remake. Il est lié à des youtubeurs problématiques. Il est lié à des youtubeurs problématiques, mais. Des bons souvenirs, quoi. Mais que des bons souvenirs, quand même, malheureusement. Et le jeu a l'air tellement beau. Le remake a l'air tellement beau. Désolé, mais. Putain, Color Splash était fou pour de la Wii U. Origami King était incroyable. Mais ils nous ont fait un poulet. Il est beau de fou. Les effets de lumière sont incroyables. Moi, je le trouve pas beaucoup plus beau que Origami King. Mais Origami King était déjà magnifique. Moi, je trouve que dans les reflets, tu vois, genre sur le bois... C'est ça. Dans la gestion de la lumière, il est plus travaillé. Il y a une lumière tellement plus clean et tellement plus propre qui doit... En vrai, si je dois être très honnête, j'ai du mal à avoir tourné ça sur la vraie Switch. Je suis un peu de ton avis. Je vais être honnête, je suis un peu de ton avis. Ça me paraît pas non plus. Après, c'est un Paper Mario, c'est pas. C'est un Paper Mario, voilà, c'est ce que je me dis. La Switch, elle fait tourner Persona 5 Royal quand même. Hein. Oui, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai pas vu à quel point il tournait bien ou pas. Bah, Strikers, il tourne plutôt bien sur Switch. Ça, ouais, ça va. Bah, tu sens que le jeu a été fait pour en même temps. Mais Paper Mario 2, bon, on va pas dire à quel point c'est un très bon jeu. On peut parler de ce qui fâche. Et c'est, déjà, est-ce que c'est un remaster? Est-ce que c'est un remake? On a plutôt l'impression que c'est un remake parce qu'il y a des Toad qui ne sont pas là dans le jeu de base. Moi, en fait, ce qui m'énerve un petit c'est d'avoir fait tout ce cinéma. Non, alors déjà, premier truc, c'est d'avoir fait tout ce cinéma sur le fait que, oui... moi, Nintendo, j'interdis... Merde, j'oublie tout le temps. C'est Intelligent System, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est Intelligent System. Intelligent System, vous cassez les couilles. Arrêtez de faire des trucs genre différents de nos mobs de base. Si vous voulez faire des Toad, vous reprenez des Toad et vous changez pas leur apparence, etc. Pour remaker le jeu qui le fait le plus. C'était des jeux qui ont été sabotés, type Origami King, où clairement, t'as des décisions où tu vois que c'est pas l'Intelligent System. Team Bros et Paper Jam, hein. C'est pas les mêmes devs. Non, mais tu sens que c'est la même. Il y a la même volonté. Il y a 3000 Toad. On est à cette période, à l'époque. Désolé, Jem. Non, t'inquiète. On est à l'époque pour Dream Team Bros, etc. Color Splash, même Seeker Star, d'ailleurs, où ça a commencé. Sur un Nintendo qui est vraiment pas sûr de soi. Après, on est sur un post-Mordi Wata aussi. Hein. Color Splash, c'est 2016, donc. Mais c'est quand même frustrant parce que moi, Origami King, je trouve que c'est un jeu incroyable, mais il aurait été mille fois mieux s'il aurait mérité ce jeu-là. Typiquement, rien que moi, Bobby, ça m'énerve. Rien que Bobby, vraiment, le fait que ça soit juste une bombe. Non, tu vois, ça aurait été mieux que ça soit comme Bombinette de Paper Mario 1, que t'es un vrai truc, tu vois, ou le général blanc de Paper Mario 2, qu'il ait un vrai skin. Ou même le Toad Explorateur, que ça soit plus que juste un Toad Explorateur, qu'il ait un peu plus Ouais. De trucs. Parce qu'il y a énormément d'idées super cool dans Rungame King. Mais tu sens qu'ils sont en train de nager dans... faut vraiment pas qu'on fasse des trucs à la limite, qu'on énerve pas Nintendo, et du coup on va vraiment reprendre les persos et tout. Qu'on énerve Miyamoto. Et t'es en mode... Alors je sais pas si c'est Miyamoto spécifiquement, mais... Il était un peu présent sur tous les projets de l'époque. Après, il était très occupé sur le film aussi. Donc là, on peut se dire que c'est peut-être... Moins maintenant, parce qu'effectivement, il s'occupe plus du transmédia chez Nintendo. Mais et franchement, ça fait plaisir. Enfin, je veux dire, tu le vois avec Marble Thunder, quoi. Oui, oui. Mais on est très, très content que Miyamoto... C'est... Mais en fait, c'est ce truc très japonais. Miyamoto, casse-toi à un moment. Non, mais c'est ce truc très... parce qu'on peut pas dire que Miyamoto a fait des bons trucs, tu vois. Miyamoto, il est un peu à l'initiative de Ocarina of Time, tu il a quand même créé Pikmin, donc bon, ça va. Vraisemblablement, oui, bon, ça c'est pas la partie que je trouve la plus incroyable de Nintendo, mais bon. Frérot, Pikmin 4, hein. On rappelle que c'est quand même grâce à lui. Chacun ses délires. Mais voilà, moi ça m'énerve parce que c'est vraiment le rétro-pédalage de Nintendo était en mode, mais... Heureusement que Intelligent System ils ont pas fini comme c'est Alpha Dream, c'est ça? Alpha Dream, Alpha Dream, ouais. C'est ça. Heureusement qu'ils avaient Fire Emblem à côté. Bah c'est oui et alors je crois qu'il a pas très bien marché par contre le Engage. Non, je crois qu'il a pas. Non, pas Engage. Enfin si, Engage aussi, mais leur autre licence de Advance Wars. Advance Wars, c'est ça. Qui est aussi d'Intelligent System, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont les deux, les deux tactical de Nintendo, me semble. Mais c'est surtout, laissez-les tranquilles, quoi. Genre, laissez-les... si vous voulez ressortir leur jeu, parce que là, tu sens... En fait, le problème, c'est que tu sens que Nintendo, ils sont vraiment dans cette optique de... et genre, les dernières annonces, c'est que des remakes, quoi. Ouais, mais tu sens qu'on est sur la fin de vie de la Switch. Ils sont inquiets. Mais non, mais moi, même Nintendo, alors je dirais pas que c'est la fin de vie de Nintendo, ça serait un peu. Nintendo va mourir! C'est chaud de dire ça. Mais par contre, c'est vrai que Nintendo, ça fait combien de temps qu'ils ont pas sorti une nouvelle licence? Ça fait combien de temps même que. Ils sortent pas de nouveaux jeux, en fait, que c'est que des remakes? Il y a Mario Bros. 4, Wonder qui était un peu nouveau. Bah, Pikmin 4, Mario Bros. Wonder, Fire Emblem Engage. Nintendo va mourir pour la 42e fois. Ouais, mais tu vois, avant Pikmin 4, ils ont sorti Pikmin. Ils ont sorti genre les 3 Pikmin en remaster, non? Oui, les deux. Les 3 parce qu'il y a Pikmin. Les 3, ouais. Il y a Pikmin 3 de Luigi. Il y a 1 et 2. Non, juste avant. Enfin, c'est juste avant. Tu vois. Donc c'est le truc, tu vois, c'est pour un jeu original, il sort 3 remake remaster, tu vois. Après, Pikmin 3 Deluxe, c'est 2018-2019, de souvenir. On parle beaucoup de Nintendo, mais je trouve que c'est problématique oui, aussi c'est, avec... Oui, c'est la licence en général. C'est vrai que... Non, mais toute l'industrie, je veux dire, par exemple, Sonic qui ressort The Last of Us Part 2 remaster, tu vois. Oui, bien sûr. Donc 2020, ouais, on dit. C'est pas uniquement Nintendo qui est en défaut là-dessus. Ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la Switch, il y a quand même beaucoup de remakes, quoi. Il y a beaucoup de remakes, il y a beaucoup de trucs. Mais après, moi j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, la Switch, il y a beaucoup de remakes au début, qui disaient, oui, mais c'est bien parce que c'est parce qu'ils sortent de la Wii U et du coup, la Wii U, elle avait pas marché. La Wii U, elle a 11 ans. Parce qu'on rappelle que sur Switch, il y a quand même des KCTF remake, il y a Mario Kart 8 Deluxe qui est un remake. Ouais, il y a. Mario 3D World plus Bowser's Fury. C'est ça, mais je suis d'accord que c'est un phénomène très ancien. Mais c'est vrai que Nintendo, qui était un peu le côté. Où tu sentais que les remakes, ils hésitaient un peu à en faire. Maintenant, c'est vraiment devenu la solution de facilité, quoi. Portage, remaster, remake, c'est le même combat. Portage, remaster, remake, oui, les trois. Facilité, c'est plus compliqué que ça, en fait. C'est bien plus compliqué que ça. Dans l'industrie, en réalité, faire un portage, enfin, faire un remaster ou faire un remake, c'est le truc le plus risqué, financièrement. Ça paraît fou, hein, mais c'est vraiment le truc le plus risqué financièrement. Le problème, c'est que ils en feraient pas autant, mais le problème, c'est que tu vas viser ta niche de joueurs. C'est les gens qui ont déjà joué. C'est les gens qui ont déjà acheté au jeu. Oui, mais c'est ça en fait le souci des remakes et des remasters. Je veux dire BDSP est un des Pokémon les plus vendus. Bon, je pense mais après moi c'est pas moi qui j'invente pas ça. C'est ouais, alors bien que, sûr, alors que paradoxalement dire, pour moi c'est à nuancer. Je pense quand même que justement faire des nouvelles IP c'est quand même peut-être que au sein d'une licence faire un remake c'est moins risqué. Mais je pense que entre sortir une nouvelle IP et faire un remake, je pense que clairement la nouvelle IP est plus risquée, tu vois. Arms. Bah après, faire une nouvelle IP, ça demande toute une recherche aussi de... Ah, c'est ça, et t'as le risque, je pense qu'ils ont perdu énormément sur Arms, par exemple. J'ai possiblement une vidéo prévue là-dessus, donc... Peut-être. On en rediscutera à ce moment-là, parce que moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. On verra ce que tu dis dans ta vidéo. Alors c'est pas moi qui vais le dire, mais oui, ce qu'on dit sur les remasters et les remakes, c'est souvent dit dans ta vidéo. C'est souvent très très faux en fait. Mm. C'est vraiment les choses qui sont les plus. Moi je pense que c'est les choses qui se vendent le moins. Moi je pense que c'est très nuancé et je pense que c'est vraiment pas une généralité, c'est que ça se vend le moins. Bah je vois rien qu'à l'échelle de la licence Pokémon, c'est pas vrai. Donc moi je nuancerais quand même un petit peu, hein. Je pense que c'est... Et même si tu vois, ils sont quand même très bien vendus les remasters de Last of Us, hein. Donc bon, ça me paraît un peu bizarre. Par rapport à un nouveau jeu, faut tempérer, c'est toujours... Mais oui, mais ça demande... les remasters demandent quand même moins d'investissement qu'un nouveau jeu. En termes de développement. Bon, c'est tout un calcul à faire, hein. Mais moi j'aurais tendance à dire, et puis il y a un truc, c'est si les remakes ça marchait pas, ils en feraient pas, tu vois. C'est pas que ça marche pas, c'est que c'est, je veux dire, si c'était tant risqué que ça, je veux dire, le capitalisme est fait de la façon que si c'était vraiment un truc risqué qui a beaucoup de chances de faire perdre beaucoup d'argent, ils en feraient pas, tu vois. Or ils en font de plus en plus. Donc bon, c'est ce serait un peu contradictoire, tu vois. Ça permet aussi de faire du contenu de flux, faudra qu'on voit ça, mais voilà. Et l'autre truc du coup qu'on voulait dire, je pense que c'est Jay, ce qu'elle s'attendait à ce que je dise au début, c'est pourquoi Paper Mario 2 ? Pourquoi remake pourquoi Paper le... Mario 2 et pas le 1 ? Pourquoi pas le 1 qui est dégueulasse ? C'est impossible de jouer au 1. C'est le 1, je trouve qu'il a les mêmes problèmes à la licence Paper Mario qu'à P3 à la licence Persona. Il manque cruellement de quality of life. Et franchement, un petit... C'est ça. Même pas un remake, genre un dépoussiérage. Même un dépoussiérage, remaster. Genre, regardez à quoi ressemble Paper Mario 1, mais qu'est-ce Paper que c'est Mario. Mais oui, mais c'est Paper Mario 1 est sur le Switch Online. Oui, mais ce que je veux dire... Oui, si, si. Alors, oui, oui. Il est sur le N64 Online. Mais oui, tu vois, je trouve que c'est une mauvaise décision. C'est que ils ont bien mis Persona 3 portable sur Steam en remaster et ils ont fait Persona 3 Reload. Oui, tu vois, mais c'est pas la même... Oui, non, mais je sais que c'est pas Nintendo. Guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Tu peux faire un remaster pour ceux qui veulent jouer à la version originale et faire un remake, tu vois. Les portages de jeux, ça dépend surtout de quelle technologie la console d'origine et la nouvelle utilisent. Si les deux utilisent les mêmes, forcément que ça prend moins de temps. Oui, mais après, en général, c'est très très rare que les deux consoles utilisent par hasard la même technologie. Ça peut arriver, genre par exemple, la Wii, il me semble que c'était une GameCube boostée aux hormones si tu enlèves le motion gaming, ce qui est quand même un gros truc de la Wii, mais... Oui. Mais non, après, je veux bien croire que c'est... Faut pas caricaturer, ça prend pas 3 semaines de faire un remaster. Mais non. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, si on a autant, ça me paraîtrait bizarre que ça soit le truc le plus risqué. Tu vois. Y a ça me paraîtrait très HD contradictoire. Mais c'est par rapport au nombre de ventes que tu fais moins. Parce que ça coûte moins cher. Une nouvelle IP te rapporte beaucoup plus d'argent. Même si ça prend beaucoup, mais faut qu'elle marche. Après, la nouvelle IP, faut qu'elle marche. Arms. Moi, le problème que tu as dit, c'est que tu as dit que c'était le truc le plus risqué. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pour moi, ce n'est pas un risque. C'est peut-être moins au niveau des recettes pures. C'est peut-être des moindres recettes. Mais en termes de risque, je suis pas sûr que ça soit le truc le plus risqué. Et surtout quand on voit qu'ils font des trucs genre qu'ils remake. Paper Mario 2, parce que pourquoi ils le remake pas, parce que dans le souci de faire découvrir Paper Mario 2 à des nouveaux joueurs, c'est parce que c'est le truc où ils savent qu'il va faire le c'est plus parce de ventes. Savent que ça, ouais, ils savent que tu ça va se... Remake. Je pense c'est que c'est ça, plus risqué de faire un remake de Sticker Star que de... Oui. Ou même de Paper Mario 1 ou de Paper Mario 3 même. Voilà, moi j'ai beau ne pas aimer Paper Mario 3, je suis sûr que ça ferait plaisir à plein de gens qu'il soit remaké, mais c'est évidemment, vu que c'est pas le plus connu de la licence, c'est évidemment pas c'est celui qui vont remake. Quoi. Il faudrait changer l'histoire de Paper Mario 3, Jem. Pendant ce temps, Color Splash qui est toujours coincé sur Wii U. Et c'est ça, et on aura peut-être un épisode sur les remakes un jour, mais moi pour moi c'est le paradoxe. Il est dans notre liste de sujets. C'est ça, c'est le paradoxe qui est à l'origine des remakes, c'est que, en fait, de toute façon, tu vas remaker des trucs que les gens adorent, donc qui sont déjà bien, donc qui n'ont pas besoin d'être remakés. C'est vraiment, tu vas essayer juste de réparer un truc qui marche déjà, c'est-à-dire que... Tu vas jamais remaker le truc qui a vraiment besoin. Bah, par c'est exemple, le problème des de BDSP. Comme... C'est ça, des jeux comme Sonic 2006 ou des jeux comme. Putain, un remake de Sonic 2006, comment je tuerais. Oui, un remake ça. fini de Sonic 2006. Il y a plein de jeux où tu te. Tu vois, c'est tous ces jeux où tu te dis putain, ça aurait été bien qu'ils aient plus de budget, plus de temps, etc. Et bah, un remake pourrait apporter ça, mais le problème c'est que vu que le jeu de base, vu qu'il était nul, il a pas marché, faudrait un jeu nul. Project 06 marché, existe. En fait. Oui, mais Project 06 c'est pas un remake officiel et mais en plus Project de ça, Project 06 modifie remake... le jeu. Par exemple, c'est dans Project 06, Tails il peut viser avec autre chose. Il a pas ses bomb rings. Oui, non, mais après, ça pourrait être un changement qui serait ça fait dans un remake officiel difficile. Aussi. Ouais, ouais. Mais c'est surtout le oui. problème, c'est que c'est pas un remake officiel, c'est le principal c'est souci le... quoi. T'es en mode, bah genre. C'est évidemment. Tu vois, c'est obligé d'être des fans qui vont remaker parce que c'est évidemment pas du tout rentable pour le studio de faire un remake. Après, d'un ils préfèrent faire encore des remakes de Sonic 1, 2 et 3 là. Bah, c'est ça. Avec Origins. Ah ouais, Sonic Superstar, je connais. Oh putain, c'est ouais, ça. Superstar, mais... quel enfer, on en parlera pas. Et moi, pour moi, c'est le sempiternel problème, c'est que bah c'est un peu triste de résumer comme ça. Et là. Paper Mario 2, c'est typiquement ça. Alors que je jouerai sûrement au remake avec beaucoup d'attention parce que j'aime beaucoup le 2. Mais c'est vrai que bah du coup. Moi je pense que je n'achèterai. Alors j'achèterai le jeu, mais je n'y jouerai pas parce que ça fait partie de ces jeux que j'ai vu tellement de fois. Je le connais en fait. Et j'en profite de ce live pour faire une petite pub à un artiste que j'admire beaucoup, qui pour le coup, bah c'est le seul truc qui m'a rassuré sur le fait que ça soit pas Paper Mario 1 qui est remis à jour, c'est que du coup c'est quelqu'un qui. C'est ah quelqu'un oui, qui fait du coup, un patch HD. Paper Mario 1. Mais du coup, avec le style de Color Splash, Origami King et tout. Ah, attends, donc, on voit ça dans le channel. Okay. Je peux envoyer ça dans le chat ou ça passe pas? Essaye, mais j'en sais rien. Je vais essayer. Oui, ça marche. Non, c'est banni. Ah, c'est banni. Bah, envoie-le-moi et je l'envoie. Ça apparaît pas. Bon. Bah, je te l'envoie dans le channel. Mais du coup voilà, qui fait, j'allais l'envoyer dans le mauvais salon, voilà c'est là. Du coup voilà, où c'est un mec en fait, il refait le jeu et il essaye de voilà. l'apporter et qu'il soit plus jouable quoi. Mm. Et pour moi c'est ce que devrait faire, et du coup vu qu'on parlait de Project 06, bah c'est un peu le souci tu vois, c'est que ceux qui se coltinent les remakes des jeux qu'en ont vraiment besoin, c'est les fans quoi. Oui c'est Master Killua du coup qui fait ça, oui c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est celui qui fait Paper Mario 1, mais avec les nouveaux sprites. Et putain, il s'est fait chier parce que c'est vraiment à partir de Paper Mario 2 ouais, qu'ils ont trouvé leur style. Il est quand même dégueulasse. Moi, il est moche. En fait, je trouve qu'il a un style que j'aime bien. Mais ça fait... Pour moi, je peux pas dire que c'est Paper Mario. Le style est trop différent. Je le trouve vraiment... Pour le coup, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Paper Mario. Hein. Je le trouve vraiment pas très beau. Hein. C'est... Je trouve qu'il a un charme. Mais encore une fois, tu vois, ils peuvent pas sortir... S'ils sortiraient un remake aujourd'hui de Paper Mario 1, ils peuvent pas garder ce côté un peu... je sais pas comment dire, mais un peu crunchy. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis en mode, bon, bah... Faudra voir. Alors, est-ce qu'ils feront un jour un remake de Paper Mario 1? Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que clairement, c'est celui qui le mériterait le plus que le 2, quoi. Ouais. Voilà. En sachant que. Ouais, en sachant. Je t'ai un peu volé la vedette sur ton jeu, du coup. Non, mais pour le coup, le truc, c'est que je suis d'accord. C'est vraiment. Bah le 2 est très bien. Hein, regardez fois, quand il y a les sauts d'animation, quand on voit l'animation de base et le truc. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment. Salut Seven. D'ailleurs, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Salut Glodu, salut Amaki, etc. Genre regarde la différence, quoi. C'est le Koopa, il est tellement dégueulasse dans le jeu de base. Il est tout, tout crunchy. Mais c'est on dirait de la Super NES alors que c'est sorti sur N64 quand même. Ouais. Et fin de vie d'N64. Vraiment, je. Ouais, c'est sorti en 2000 Paper Mario 1. Même pour de la N64, je trouve que Paper Mario 64, il est vraiment. Oui, 2000. Ouais, 2000. Ouais, c'est 2000. Ouais, c'est 2000. Ouais, c'est... Je sais pas si c'est pas après Banjo-Kazooie, tu vois. Bah, je crois que si. Je crois que si. Je crois que oui. 2000 au Japon. Mais ouais, c'est ça, 2000 et peut-être même 2001 en France. Je crois qu'il est limite. Oui, 2000 en France. C'est ça, il s'est, limite, superposé avec la sortie de la GameCube. Donc ouais, pour le coup, voilà. C'est un peu le souci que j'ai. Après, je serais très content de jouer à Paper Mario 2, surtout si en plus ils essayent d'ajouter un peu des nouvelles features et tout. Mais je trouve que c'est un peu du gâchis, quoi. Et je sais que Jay, elle était en train de crier en vocal pendant l'annonce. Tandis que moi, j'étais en mode. Non, mais j'étais. Elle était pas avec nous. Non, j'étais pas avec, vous. Ou c'était sur Twitter que tu criais peut-être. Je criais sur Twitter très fort. Oui, c'était sur Twitter que tu criais. Je criais sur. Mais en fait, évidemment que j'étais très heureuse. Mais après, quand j'y ai réfléchi, après, je me suis dit en vrai, c'est cool. Mais Paper Mario 2, en vrai, c'est le jeu le plus fait. Enfin, c'est. Non, mais en vrai, c'est un peu bête. Je sais pas si tu te souviens, Nechiku, vraiment pendant le vocal, j'étais en mode, mais pourquoi celui-là ? Pourquoi ? En vrai, l'un des intérêts de Paper Mario 2. C'est d'éviter d'acheter la version GameCube à 150 balles. Oui, ça. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait aussi. C'est pour niquer un peu les scalpers. Je sais pas trop. Honnêtement, pour niquer l'émulation, je sais pas. C'est peut-être un move marketing que je comprends pas, mais enfin si, je comprends tout à fait le move marketing en fait. Mais voilà, c'est un peu. Moi, je trouve ça un peu triste. C'est quoi ton tapis de souris ? Le mur derrière toi est porteur. Ah, vous êtes super drôle, dis donc. Mais ça marche que quand j'ai la cam, du coup. Ça marche pas. Si j'ai pas la cam. Justement, parlons de gem. Puisque. Moi j'ai beaucoup parlé, hein, vous pouvez y aller. Hein. Oh bah. Moi j'ai encore un jeu à présenter. Si vous voulez, je vous présente. Bah vas-y, hein, Pas. Oui, si. Parce qu'après, gem, tu as Métaphore, c'est ça. Moi après, j'aurais fini. Enfin là, j'ai fini. C'est ça. On a Gecko Gods, tous les deux. Oui. On avait parlé de Gecko Gods. Je vais juste aller, je vais en profiter, je vais aller au Et moi je vais vous parler de 30 Birds, qui est un jeu belge développé par Ramram Studio, qui sort normalement cette année. Et c'est un jeu dans lequel vous incarnez une détective qui doit résoudre un problème. C'est que des oiseaux se sont fait la malle, et il faut les retrouver en les contactant par téléphone. C'est un jeu à moi ça. C'est un jeu qui est assez marrant parce qu'il mélange tout ce qui est miniature persane au niveau du style. Et il mélange ça avec de la musique reggae. Voilà. C'est typiquement le genre de jeu dont tu n'imaginerais pas la création. c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. Évidemment parce qu'il y a des oiseaux dedans, mais aussi parce que la confrontation des styles est assez originale et je trouve le jeu vraiment magnifique. Dans l'idée avec le train, ça ressemble beaucoup à Track of Thought. Le fait de se déplacer sur des espèces de lanternes, pas chinoises, mais qui rappellent un peu tout ce qui était. Tout ce qui a été un peu réalisé au 15e, 16e siècle dans l'Empire perse, c'est vraiment un style très décalé et j'ai très envie de voir. J'ai mis la démo, ce jeu qui commence dans un train. Oh, c'est joli! Dans un style. Oui, effectivement. Là, vous allez arriver sur une espèce de lanterne et ça fait une espèce de petite ville et tout. Enfin, c'est vraiment très très beau. Il y a des gens aubergines. Le jeu apparemment est très drôle. On dirait dans le style un peu barré comme ça, on dirait un peu un espèce de Psychonauts. Ah ouais. Ah oui. Un peu ouais. Ah, c'est vrai que ça pourrait être un jeu qui pourrait faire penser à Psychonauts dans l'idée. Et donc voilà, vous arrivez sur ces espèces de lanternes et je sais pas si vous connaissez Fez, mais en gros. Si vous allez sur le côté, donc la côté gauche ou côté droit, et le carré va pivoter Et donc vous allez découvrir une autre facette, comme ici, où vous pouvez passer d'une rue à une autre. Et l'objectif, bah, c'est de retrouver les 30 oiseaux qui, je crois, ont été enlevés, je sais plus par qui. Et c'est style RPG, du coup ? C'est, non, c'est un jeu d'enquête, un jeu d'action, un jeu de, ouais, un jeu de réflexion aventure avec quelques, quelques mini-jeux. C'est pas du RPG. Ouais, c'est du, c'est pas du point and click, mais ça pourrait s'en apparenter. Salut Salamouche. Quel coup. Non, c'est pas du point and click non plus, mais je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Ouais, donc voilà, oui, Firebird, ça devrait sortir cette année. J'en ai pas fait une très très bonne présentation, je pense, mais... mais après, c'est dur de parler d'un jeu quand t'as pas beaucoup d'images. C'est dur de parler d'un jeu quand il n'y a pas à jouer, quand tu as effectivement pas beaucoup. Mais voilà, c'est oui, celui-là, t'as pas pu le tester. Non, celui-là, j'ai pas pu le tester. Il était disponible, mais à chaque fois que je pouvais le tester, bah, y avait des gens qui le testaient à ma place. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas leur demander de partir afin de me laisser jouer au jeu. Cassez-vous, s'il vous plaît, j'ai le passe-presse. Je suis youtubeur. Exactement. Mais non, non, non. Je... Donc ce jeu, malheureusement, j'ai pas pu y jouer. Mais je le surveille avec, avec beaucoup d'attention puisqu'il devrait sortir normalement fin, fin 2024, voire 2025. Comme d'habitude, on verra au niveau de la sortie du jeu lorsque celui-ci sera prêt. C'est édité par Arte Interactive. Ça, c'est un des, Arte, la, jeu de, la, Arte Interactive. La société Arte ? Genre les docus ? De quoi ? Les documentaires, genre Arte et la société ? Non, Arte, la chaîne de télé qui a, qui a une, comment dire, qui a une branche JV depuis une dizaine d'années et qui s'occupe putain, c'est cool. d'éditer des jeux. Et donc, Thirty Birds fait partie de ces jeux-là. Il y a eu d'autres jeux qui sont sortis. Je vais essayer de présenter Enterre-moi mon amour, peut-être, qui était. Alors, je crois qu'Enterre-moi mon amour, ils n'étaient pas encore sur Arte. C'est le truc par téléphone là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais en tout cas, les développeurs d'Enterre-moi mon amour qui sont. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ont travaillé avec Arte, notamment sur leur prochain jeu qui était The Wreck, qui est sorti l'année alors, dernière. Vous avez peut-être si, effectivement, les développeurs, c'est Arte France et c'est Pixel Hunt. Voilà, The Pixel Hunt, les développeurs. Voilà. Et Arte en éditeur. Pour la réalisation du jeu. Mais voilà, Arte, à chaque fois, essaye de toujours trouver des concepts originaux dans leur création vidéoludique. Et Thirty Birds s'inscrit parfaitement dans cette optique-là. Donc j'ai hâte de découvrir ce petit jeu qui a l'air très très prometteur. Ouais, ça a l'air bien sympathique. Donc, ça a l'air peut-être surtout très beau. J'aime beaucoup le en fin style. En fin d'année. Mmh. Ouais, ouais, style graphique est assez... C'est vraiment très joli. Assez original. J'espère pouvoir vous en parler. Je viens de me rappeler que j'ai un jeu à présenter, en fait. Ah, oui, présente-nous ça. Pas deux, mais un. Est-ce que tu veux qu'on parle de Gecko Gods très vite ? Vas-y, on parle de Gecko Gods très vite. Gecko Gods, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu où vous incarnez un gecko. Voilà. Voilà. Vraiment, on n'en sait pas plus. On n'en sait globalement pas plus. Ça a l'air d'être un espèce de jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Ah un oui, peu c'est à la, ce jeu-là, un peu bien à la, sûr. Un peu à la Witness ou un peu à la. À la. Comment ça s'appelle ? Ouais, The Witness, c'est pas mal. Ouais, The Witness. A Short Hike. C'est un jeu d'énigme du coup ? Ça a l'air d'être un espèce de jeu. Ça a l'air d'être un espèce de jeu d'énigme. Mais moi instinctivement ça me faisait penser à Chia, mais ça a peut-être rien à voir. Non, bah, ça, non a pas l'air d'avoir, ça a pas l'air d'avoir. Mais je sais pas honnêtement qu'est-ce que sera le jeu. C'est un jeu en 3D. En fait, je suis le. Je suis le développement de. Je suis le développement de premier degré peut-être. 3 ans, 4 ans. Mais c'est vrai que ça a l'air très très sympa. Mais ouais, le développeur est très très très très discret ouais. dans ses communications. Ah, il est tout seul ? Je crois qu'il est tout seul, oui. Mais voilà, ils ont dit c'est bon, là il y a écrit Coming 2023, mais le jeu entre temps a eu d'autres directs, etc. Et au final, bon, 2024, apparemment, ça a l'air de plutôt se concrétiser dans 2024. Mais apparemment, il y a des, enfin, il y a l'air d'avoir des combats, il y a l'air d'avoir des énigmes, il y a l'air de. Ouais, c'est, je sais pas, ça a l'air d'être. C'est vraiment, c'est un jeu vraiment très particulier. Ouais, c'est moi, c'est, moi, ça m'intrigue ce genre de jeu. Ouais. Puis le fait de contrôler un gecko, lézard, c'est, pas un c'est, truc, c'est cool. C'est pas un truc que tu vois tous les jours. Oui, non, surtout que ça soit pas un gecko humanoïde ou. Ouais, c'est vraiment. Puis même, il y a ce côté. C'est vraiment juste un gecko, quoi. Il y a ce côté plateforme. Il y a ce côté plateforme où tu peux aller un peu sur les murs, un peu sur les. Enfin, tu as l'impression d'aller partout. Mais non, je sais. Ouais, c'est très mystérieux. Mais ça a l'air trop bien. Mais il y a plein de jeux comme ça. Snake Pass, le côté construire des énigmes autour des caractéristiques d'un animal. Je sais pas du tout ce que c'est Snake Pass. Il y a plein de. C'est l'un des jeux de lancement de la Switch. Et tu dois comment dire traverser différents niveaux en ramassant des fruits, crois, ou des étoiles, je sais plus. Et t'es accompagné d'un petit colibri qui t'aide. Snake Pass. C'est Yooka-Laylee ça genre. il y a un peu. Snake Pass. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Surtout ce que je note avec Gecko God, c'est vraiment la DA que je trouve très belle. C'est très épuré, c'est très... très douce, très. Un peu très vraiment, calme. Je sais pas trop comment la définir, mais très calme. Je suis vraiment très. Mais ça a l'air reposant comme jeu. Ouais, c'est très contemplatif. Très admiratif de ce que les... de ce que le développeur a fait. Et il y a plein de jeux maintenant avec des animaux qui sortent. Il y a un jeu avec un cloporte. Moi j'avais le jeu avec je sais plus si c'est un scarabée ou une tortue, un des deux. Alors il y a un cloporte, je peux t'assurer qu'il y a un cloporte, vraiment un jeu avec un cloporte qui est fait. Il y a un jeu avec une chenille aussi qui est fait. Enfin il y a oui, plein ça, de ça, c'est trucs la chenille. Comme ça, les gens se découvrent des passions pour le monde animal et c'est. Bah, c'est tant mieux. Hein. Donc voilà, Gecko Gods. Malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais surveillez-le de votre côté. Voilà, développé par Louis Valochek. Ouais, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur Twitter. Qui est un. Mais qui parle. Très peu. Ouais. Très très peu, ouais. Il poste. Bah, c'est ça, pour 2023, je crois qu'il a posté genre 2 tweets. Ou 3. Un truc comme ça. Espacé de 4-5 mois à chaque fois. Ça fait long. Mais ça donne envie, hein. Du coup, moi, je vais vous... Ce sera mon dernier jeu dont je vais vous parler. J'ai parlé d'un jeu que j'attends énormément, qui m'a très, très intrigué, puisque je vais vous parler de Chasing the Unseen. Chasser le jamais vu. L'invisible. Qui est, d'après le développeur, un mélange entre Journey et Shadow of the Colossus. Qui a l'air d'être un peu trippant, un peu expérimental, qui a pas vraiment l'air d'être un jeu vidéo, plutôt d'être genre juste un walking sim ou un climbing sim en fonction de comment on le définit. Mais ça a juste l'air d'être très contemplatif, très beau. Ouais, après simulateur, bon, je pense pas que les alpinistes ils. Oui, non, mais. Oui, ils escaladent mais... des pieuvres. Non, mais oui, mais tu vois, quand on dit, je sais pas, dating sim, la drague, ça se passe pas comme ça, tu vois, enfin. c'est bon. Oui, mais je pense que la drague est quand même plus proche d'un dating sim que. Oui, mais bon. Moi, quand j'escalade un poulpe géant, évidemment. Ouais, c'est mais. J'avoue que le dev postait, alors pour le coup lui c'est l'inverse du dev précédent, c'est vraiment, il poste très régulièrement, mais la même chose, c'est les mêmes extraits, tout le temps, du coup c'est vraiment à un moment t'as votre frère, bon poste autre chose, c'est bien ton poulpe là, le screen où tu grimpes ton poulpe, je l'ai vu 10 000 fois, fais autre chose STP, parce que j'en ai marre en fait. Mais alors moi je vais être un peu critique, mais je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de changement de texture quand il grimpe le poulpe, tu vois. Genre que c'est, je sais pas comment appeler ça, Nechego, je sais pas si tu sais, les espèces de ventouses. De ventouses je vois. Mais il n'y a pas de changement au niveau du gameplay, tu vois. Oui, ok. Il pourrait y avoir un côté où tu galères un peu plus sur les ventouses ou un truc comme ça. Et du coup, ça sert vraiment. Bah après, là, je t'avoue, c'est une démo, c'est un work in progress là qu'il y a. Oui, bien sûr. Donc on ne sait pas, mais, ça se trouve, il y en aura. Mais c'est vrai que si c'est juste, tu grimpes, mais il n'y a pas vraiment de différence entre les trucs que tu grimpes. Bah c'est peut-être. C'est plus un. À mon avis, c'est plus un jeu. Pas vitrine, mais un jeu un peu. un peu dans le style de Maquette, un peu dans le style de... Même pas The Witness, même pas Journey, parce que Journey, il y a un peu d'énigme. Là, on sait même pas s'il va y en avoir. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, si l'ascension, c'est vraiment le cœur du gameplay, pourrait y avoir des petites différences. Tu vois, je voyais un serpent sur lequel on peut s'accrocher. Tu vois, il pourrait y avoir le côté où tu dois t'accrocher au bord de ses écailles et tout. Ouais. C'est un peu dommage que ça utilise pas autant les trucs sur lesquels tu montes, quoi. Mais ça a l'air très joli. Ça a l'air très joli, très particulier. Comme malheureusement, Gecko Gods, on n'en a pas beaucoup plus. Mais en tout cas, le jeu sort bientôt, puisque je crois qu'il sort le 14 mars. Ah oui. Mais il serait peut-être temps de communiquer dessus. En fait, c'est ça. C'est le mec poste tout le temps, littéralement, les mêmes screens et les mêmes petites séquences en boucle. Par exemple, juste le poulpe et le jeu est fini. C'est ça, j'ai l'impression traverse, que c'est vraiment ça. Traverse une caverne et puis c'est bon. Oui, il y a eu une démo. Alors, je sais que, par exemple, Horty l'avait testé. Genre, j'ai pas vu son stream pour le coup, mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Et t'as joué à la démo ou pas ? J'ai pas testé la démo, j'ai malheureusement pas eu le temps. Mais du coup, je me dis, je me garde pour le jeu final. Mais tu vois, ça a l'air très classique au niveau de la grimpette, là. Mais j'ai vu vite fait 2-3 extraits. C'est une barre d'endurance que t'as. Ouais, c'était une barre d'endurance. Mais ouais, ça a l'air... J'ai peur que ça soit, entre guillemets, trop classique. Ouais. Au niveau du gameplay. Vraiment, j'insiste, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de jeu au niveau des textures. Tu vois, là, c'est pareil. Ouais. C'est dommage qu'on sente pas plus, tu vois, les aspérités des trucs sur lesquels ils montent. Après, c'est peut-être dur à faire en indé, je sais pas. Mais il me semble que le dev est tout seul, hein. Du coup, pareil, même délire. C'est pour ça, tu vois. Mais en fait, ça a l'air d'être beaucoup aussi ce côté, tu grimpes des trucs de plus en plus grands pour essayer de t'échapper un côté un peu, ouais, maquette, comme il s'appelle aussi l'autre, Manifold Garden. Un côté très récursif. À voir si ce sera bien ou pas. Voilà, avec c'est pété la gueule. Mais pour le coup, je sais pas si ça existe des jeux vraiment climbing simulator, mais où vraiment tu dois faire attention à quelle prise tu prends et tout. Alors, ça pourrait être intéressant. Grom qui tentait un peu ça, qui était plutôt audacieux, qui était assez long, qui était assez court, pardon, qui faisait à peu près 5 heures, que j'avais fait, qui était très sympa. Bah, il y a Jusant aussi, je crois, mais je suis pas sûr. Jusant, qui est apparemment très très bien, je n'ai pas fait. Qui est apparemment très très bien aussi. Donc, voilà. C'est la chute du personnage qui vient de faire une Mario 64. Ouais. Puis là, on voit le poulpe sur l'extrait. Terrible. Mais ouais. Et non, ça a l'air très beau. Hein. Ça a l'air, je sais pas, ça m'attire, ça me, je sais pas, ça m'intrigue. Pourquoi ça t'intrigue alors que Shadow of the Colossus? Mais j'ai pas aimé Shadow of the Colossus parce qu'il a l'air méga, il était méga rigide. Là, ça a l'air plus friendly, entre guillemets, je sais pas. Friendly, comment ça? Bah genre, je sais pas, ça a l'air plus simple, moins prise de tête, moins pénible à jouer. Mais Shadow of the Colossus, j'ai bien aimé grimper les mobs et tout. C'est juste le gameplay de combat que j'ai trouvé un peu chiant. J'avoue que je sais pas trop. Mais ça a l'air sympa. Je pense que je l'essaierai probablement de mon côté, pas en stream, parce que ça a l'air d'être un jeu qui s'adapte pas du tout au contexte du stream. Mais voilà. Effectivement, plutôt intéressant. Je sais pas si je peux enchaîner sur mon jeu suivant. Tu veux parler de métaphore ? Attendez, il va y avoir une pub. Donc, Là, on est dans la pub. Là, c'est bon, c'est fini. Ah, on est dedans. Non, on n'est plus dedans. Ah. Là, c'est bon. T'es sûr ? Oui, parce que t'es pas sur le... Mais je suis sur le stream. T'es sur mon stream Discord ou t'es sur le stream ? Non, je suis sur le stream. Oui, bah, il y a du décalage. D'accord. Voilà. Là, la pub, là, la pub est dans 27 minutes. Ok, la pub est dans 27 minutes. Bon, bah, du coup, je vais parler de mon jeu suivant. Alors, du coup, j'en avais plusieurs, dont je ne sais pas. Bon, un tout petit mot sur FF7 Remake. Globalement, j'ai essayé de pas trop me spoiler parce que j'ai pas fait la version originale. J'ai beaucoup aimé le jeu de base. Vraiment, enfin, le jeu de base. Rebirth, du coup, c'est ça ? FF7, ouais, Rebirth, oui, c'est vrai qu'il change à chaque fois. Oui. Du coup, j'avais fait le remake, du coup, FF7 Remake, qui était vraiment plutôt cool. Mais du coup, j'ai pas du tout fait l'original et Rebirth m'intéresse plutôt. Malheureusement, il est en exclu PS5, évidemment. On va attendre qu'il sorte sur PC, hein. Faut bien vendre la PS5, donc oui, je vais attendre qu'il sorte sur PC. J'en profiterai pour faire le DLC Yuffie que je n'ai pas fait. Encore. mais voilà, ça a l'air vraiment. Ça a l'air vraiment extrêmement cool. Du coup, voilà. Il est dans le. Comment dire ? Il est bien parti dans la liste des GOTY de l'année. Ça ouais, serait après, triste qu'un remake soit un GOTY, mais bon. Bon, il y a Persona 3 Reload quand même. Oui, c'est vrai. Qui est un remake et le futur GOTY, bien sûr. mais après, du coup. Le futur GOTY ne se trouve pas parmi ces deux jeux, nous le savons tous. C'est qui ton GOTY ? Mon GOTY pour l'instant, c'est Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Ah, qui est bien sorti en 2024, lui. Ouais, très bien sorti. Mais attends, on a un remake qui va sortir sur Switch 2. Oh, ils sont mignons, les chocobos. Comment dire ? J'ai des sources de l'industrie. Ouais, bien sûr, effectivement. Mais, ça, ça a changé Outer Wilds. Hein. Non, c'est cette année, Layton, ou pas ? Non, c'est l'année prochaine, je crois. L'année prochaine, je pense. C'est l'année prochaine. Comme Monster Hunter Wilds, que j'attends très très fort. Mm. Mais du coup, voilà, le jeu a l'air très beau. Moi, j'avais beaucoup kiffé. C'était vraiment le jeu. Après, ça, peut-être ça s'éloigne un peu trop. Moi, j'avais kiffé le fait que FF7 Remake, ça soit un couloir. J'avais vraiment adoré le fait que ça soit un couloir. J'en ai marre des open world. J'ai juste envie, pour une fois, d'avoir un jeu où... Bah, Persona, c'est un peu ça, même si, bon, tu peux un peu structurer un peu comme tu veux, tu vois. Mais le côté où... Juste, tu suis le scénar et tout. Le scénar, tu peux pas rater un bout de scénar à un endroit, etc. Juste, le scénar, il se développe devant toi et tu te bats et tu fais les trucs et tout. Et c'est vrai que si c'est plus ouvert dans Rebirth, ça m'intéresse un peu moins. Mais pour le coup, j'attends énormément le jeu. Je pense que ça va être très très bien. Et du coup, l'autre dont je voulais parler, du coup, c'est Métaphore, Refantasio. Bien sûr. Attends, je te cherche ça. Parce que du coup, c'est les deux seuls que j'ai pas prévus. Et non pas Rebob Lennon. On était un peu obligé de la faire. Évidemment, Refantasio 974. En vrai, même pas pourquoi t'as sorti cette vanne. Mais... c'est Minecraft. T'as pas la rêve de Bob Lennon et Fantasio ? Si, si, mais bon, Jem, on est plus en 2013. Hein. Ah, ouah, c'est moins que 2013 quand même. Mais. Voilà. me vieillit pas, mais du coup ouais, Métaphore qui a l'air vraiment très très cool, très très mystérieux niveau un peu comment ça va structurer, parce que ça a l'air d'être un peu Persona en mode moderne, mais en même temps d'être dans un monde d'heroic fantasy, et en même temps alors je crois qu'il y a des confidents, mais c'est pas très clair. Par contre, je trouve que c'est infiniment plus stylisé que Persona au niveau des genre des animations, des boîtes de texte. Persona 3 Reload, il y a des sacrés. Les menus, ils sont sacrément. Ouais, mais aussi, je trouve que. Je sais pas, je trouve que c'est. On a limite 1000 crans du dessus, tu vois. Ouais, bah c'est vrai que le jeu a l'air d'être une sacrée démo technique. Bah c'est alors ce justement, les espèces de confidents là qu'ils ont fait. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais avant le podcast, c'est. Les nouveaux contre les anciens, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu sens qu'ils essayent de montrer un petit peu de quoi ils sont capables. Un peu montrer aux anciens, un peu montrer aux nouveaux. Nous aussi, on est capable de faire des trucs. Hein, nous aussi, on faisait des jeux vidéo à l'époque. Mais du coup, c'est très bizarre parce que ça a l'air d'être un mélange de plein de trucs. C'est-à-dire que c'est un truc un peu moderne à la Persona, mais en même temps avec des heroic fantasy, des elfes, des fées, des machins. En même temps, t'as le côté tour par tour, mais en même temps, tu peux faire genre du combat en temps réel et t'as une transition de fou entre les deux. Genre où tu tapes et direct tu peux passer en... Ça j'étais ultra impressionné. C'est genre tu commences, tu tapes les mobs et tout en temps réel et d'un coup tu passes et direct ça transitionne sans aucune ellipse ou quoi, ça passe direct en tour par tour. Je trouve ça incroyable. Par contre du coup ça veut peut-être dire qu'il sera sur le Game Pass. étant donné qu'il sort... Peut-être qu'il sort sur le Game Pass, effectivement, vu que Atlus et Xbox ont l'air d'être très très... très potes. très très potes l'un et l'autre. Mais c'est vrai que ça m'intrigue vraiment ce jeu, quoi. C'est... Je suis intrigué, quoi. C'est... Après, parce que tu vois, ça fait très Fire Emblem. Moi, je suis moins en même fan temps... de... Je suis moins fan de la DA, mais c'est... Je sais pas, je... Alors moi j'aime beaucoup la DA qu'on a vu, l'espèce de ville là, je trouve qu'elle fait très je sais pas si tu seras d'accord avec moi G, elle fait très Gravity Rush. Oui de ouf. Ah oui d'accord, ok. Oui de ouf, de ouf. C'est avec les coloris et même le côté un petit peu ville du 19e, je dirais. Ouais, Paris vraiment ça vient d'être construit, c'est quoi. Ça. Mais en même temps avec des trucs qui volent dans tous les sens c'est très cet esprit là et non vraiment le jeu a l'air extrêmement cool donc impatient de pouvoir l'expérimenter ouais, ça a vraiment l'air d'être une expérience. Il y a l'air d'avoir un délire un peu à la Attaque des Titans avec genre un gros là, mur on va voir la transition je pense. Oui c'est, on, ouais, on, voilà, on c'est exactement ça. Cette scène là et là bim direct il passe en mode il y a l'air d'avoir aussi un, bah du coup ouais un délire Attaque des Titans au niveau de l'histoire avec genre un gros mur Ouais, ça a l'air d'être très spécial. J'imagine qu'il va y avoir pas mal de twists et tout. Déjà, à mon avis, ça va être évidemment une intrigue politique, parce que bon, enfin, ce ne serait pas un jeu de la type Persona sans une intrigue un peu politique. Ah oui, forcément, ouais. Mais ouais, je sais pas. Ça a l'air cool, à voir. Ça a l'air vraiment cool. Alors, on n'a pas de date de sortie, je crois. Bah, peut-être à la fin de... 2024. Ils ont dit 2024, mais voilà. Donc, on sait pas trop quand ça sortira, mais... let's go. Apparemment, c'est automne 2024, même. Automne 2024. D'après le trailer que je viens de passer à... Ah oui, effectivement, automne 2024. Mais voilà. Bon, bah, moi, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais aborder. Moi, je pense aussi. Bah, moi, de même, voilà. Et bah, nickel. Bon, on va gentiment pouvoir conclure du coup. C'est très étrange, on a fait un épisode de moins de 2 heures. 1h40. Moins de 2 heures. Qu'est-ce qui nous arrive? On est malade, ça y est, on a plus oui, de... c'est vrai qu'il a pas duré 2 heures l'épisode. On a plus de sujet, écoutez, c'est la fin de Produit en Croix. Après, c'était un peu un épisode de reprise un peu sympa. Hein. Oui, oui. C'est un épisode en plus, de reprise. C'est même ce pas, sera le seul épisode de la saison. Non. Là, je lis Nidox, non, t'es juste un dégénéré. Dans quel contexte t'as dit ça, Nidox? Par rapport à Fanta et Bob. Fantasio, Bob, tout ça. Ah, d'accord. Non, mais en plus, on espère que ce sera pas le seul épisode de la saison, faut pas déconner. On a un sujet qu'on doit traiter depuis littéralement l'année dernière. Qui tarde, ça devait être cet épisode-là, mais malheureusement, voilà. Persona 5 partie 2. Évidemment. Non mais en plus on voulait pas reprendre avec juste nos jeux de 2023 parce qu'on l'a déjà fait un peu ailleurs. Oui. Et c'est donc, pas forcément ouf. Enfin moi j'aurais parlé de Pikmin 4 ou peut-être d'Outer Wilds ou peut-être de enfin voilà. On avait pas forcément beaucoup de trucs à dire, surtout que 2023 ça a vraiment été l'année des goats quoi. Non ça a vraiment été un peu une année compliquée pour le JV. Pour 2024, a l'air d'être parti pour être une année tout aussi merdique. Pas beaucoup mieux, mais voilà. Voilà. C'est je vois les gens qui ont pas gueulé sur la taxe de 50 centimes d'Apple. Ça me fait peur, mais ouais. La taxe de 50 centimes d'Apple. Bah en gros, Apple a décidé de faire la même chose que Unity, sauf qu'au lieu de que ce soit 20 centimes, ce serait 50. Alors après, c'est pas les mêmes conditions. Mais ça ressemble beaucoup à ce que Unity avait tenté de mettre en place. Et tout le monde s'en fout. Et c'est un peu... Bah genre, comment typiquement, dire typiquement, là, ça voudrait dire que, bah, par exemple, on peut prendre des jeux genre Geometry Dash, qui est un jeu payant, mais ça compte quand même dans les trucs. Le dev devrait, il me semble, genre plus de 1 million de dollars à Apple. Enfin, c'est absurde, genre. Alors après, j'ai pas toutes les informations, mais oui, c'est. Il y a des choses qui vont se passer, qui me paraissent pas terrible, pas tip top. Ouais. 5000, 6000. Mais bon, c'est pas grave, l'année prochaine, GTA 6. Il y a GTA 6, il y a. Tout le monde va parler de ça, va oublier. Il y a. Vous savez, il y a, CD Projekt Red, ils ont commencé à faire un nouveau Witcher et un Cyberpunk 2, et de trop ouf! Sérieux? Ouais. Ouais, ouais, ils ont annoncé. Un nouveau Witcher, mais l'histoire est pas finie. Je sais pas, j'ai pas joué au jeu. Non, ils préparent. Ils ont pas épuisé les bouquins? Bah, je crois pas. D'accord. Mais en tout cas, ils ont dit vouloir travailler sur un nouveau. Enfin, avoir commencé à travailler sur un nouveau Witcher et sur Cyberpunk 2. Parce que c'est vrai que Cyberpunk 1 était tellement fini, non. Pour ces découvertes, j'avais que Paper... Que Paper Mario sur la liste. Aïe, aïe, aïe. Bah écoute, Nidox, c'est toujours cool de faire découvrir des jeux. Bah moi, j'ai surtout présenté Persona 3, mais c'est vrai que si t'es plus jeu indé, mes collègues t'ont présenté pas mal de jeux indés sympas. Et encore, il y a plein qu'on n'a pas évoqué. Ouais, il y a Promenade qui sort au mois de février. Il y a Promenade, il y a Track of Thought que j'aimerais faire. Il y a Mika and the Witch Mountain. Il y a Slope Crashers qui a l'air d'être un jeu extrêmement fun, qui est un espèce de jeu de course SSX, un peu barré. ouais, voilà, il y a plein de jeux. Et puis évidemment, Silk Song hein, qui va sortir en 2024. Haunty aussi, que j'attends avec énormément d'impatience. On n'a pas de date de sortie, qui a une idée absolument incroyable. Mais voilà, globalement, un petit overview de l'année qui nous attend en termes de jeux vidéo. Qui a l'air sympa. Qui a l'air globalement de s'annoncer comme une année plutôt. Chargé. Bah déjà, il y a eu Tekken 8. En plus, là, il y a Granblue Fantasy qui sort dans deux jours. Qui est apparemment très bien. Voilà. Qui a l'air très bien. Qui, bah, étonnamment, me titille un peu. Enfin. Like a Dragon, très bien aussi. Ouais. Tekken 8 apparemment est très bien. Persona 3 Reload va l'être. Bah bon. C'est ouais. Hein, c'est... Prince of Persia est apparemment très bien. Oui. Voilà. Oui, apparemment le dernier Prince of Persia est vachement cool. Prince of Persia est apparemment très très bien. Donc, Par contre, un Nintendo toujours un peu sur les rotules. Oui, mais Nintendo, ils vont sortir un petit Nintendo Direct, je pense, au mois de février. Ils vont sortir le Nintendo Direct de février, ils vont annoncer Splatoon 4. Ils vont... Bah si, on a une date de sortie pour le DLC Splatoon 3 aussi. Splatoon 4, pour la Tower of Order, je crois. Bah, c'est vrai que Nintendo, pour le coup, je suis un peu déçu de ce qu'ils proposent récemment. Le 22 février. Si, Ouais, mais en même temps, Nintendo, ils sortent quand même d'une grosse année. Hein. On a tendance c'est vrai à. Qu'il y a Peach aussi, Peach Showtime. Parce que quand même, il y a eu l'année dernière Fire Emblem, il y a eu Pikmin, il y a eu Zelda, il y a eu Mario Bros. Nintendo, il y a eu un Kirby. Ils vont balancer le prochain Mario 3D avec leur nouvelle console. Oui, Return to Dreamland Deluxe. Kirby's Adventure Wii. Ah oui, non, mais c'est encore un remake. Oui. Oui, mais ça reste quand même un jeu. Ça reste quand même un jeu. Ouais, mais TOTK c'est une suite. Pikmin 4 c'est une suite. Mario Bros. Wonder, c'est un remake. Non, Mario Bros. Wonder, ça pour le coup, c'est on pourrait dire une nouvelle IP, mais. Non, c'est un. C'est Mario, mais c'est. Une nouvelle version des Mario 2D. Non, par contre, j'aimerais juste, parce que j'en profite, là, je vois la musique de fond qui est actuellement Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2016 de Rio. À mon avis, malheureusement, on n'aura pas Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est con, parce qu'on aurait pu avoir des supers épreuves, genre se rendre au parc olympique dans les bouchons provoqués par les manifestants. Eh, franchement, est-ce que ça aurait pas été trop kiffant de se dire... C'est les JO de Paris sont tellement un flop qu'ils ont même pas eu leur jeu Mario Sonic. Pourquoi ils ont arrêté la licence? Non, c'est on n'a aucune nouvelle. Ah merde. En fait, c'est sur la page Wikipédia, c'est écrit genre que il y a potentiellement Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2024, mais on n'a absolument aucune nouvelle de l'équipe qui s'en occupe. Je sais plus c'est quoi le nom. La première mission de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de 2024. Shadow qui va aller fusiller Darmanin là. Ça va être de trouver un lieu pour aller dormir. Le métro, pour le prendre tous les jours, le métro 12, hein. Une épreuve. Hein. Mm-hmm. C'est Jeux Olympiques. Hein. En tout c'est cas, en vrai, j'aimerais quand même qu'ils en sortent un, parce que je me dis, c'est ouais, con. Ils vont balancer le prochain Mario 3D. C'est vrai que oui. Ça fait longtemps. Bah ça, Mario 3D, ils j'espère, vont balancer le prochain Mario 3D avec pour que ça soit pas Odyssey. Il y a plein de, enfin, il y a quelques rumeurs qui parlent même d'une trilogie Bayonetta, mais c'est des rumeurs. Et à mon avis, ça se confirme. Une trilogie si Bayonetta. Ouais. Ah oui, il y a trois jeux. Non mais oui, mais ah genre une compile. Oui. Ah ok, oui, non, j'avais pas compris. Putain, je prie, faut que je me suis dit, genre, ils vont sortir Bayonetta 4, 5, 6 là, comme ça. Et puis, il y a toujours les éternels. Oui, mais remake de Wind Waker et de TP. Oh s'il putain, vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez putain. Avec votre remake. Vos jeux, ils ont été remake 3 fois. À un moment, faut arrêter. Il y a Metroid Prime 4 aussi, où ça fait. Je sais 7, plus, 7 je crois, c'est 5. Oui, mais c'est 5 ans qu'ils ont dit qu'ils reprenaient depuis le début le développement. Donc, en sachant qu'un jeu, normalement, c'est 3 ans, 4 ans de développement, gros. Ça dépend. Bah, ça dépend du jeu, mais un triple A comme ça, c'est. Ça dépend c'est du 3 jeu, ans, ça dépend de... 4 ans, ça commence à être long. Là, 5 ans, c'est très très long. Donc, possibilité que Prime 4 fasse un sacré flop quand même. C'est. On là, espère que. Moi, j'ai très peur que Prime 4 soit genre un cyberpunk parce que ce sera pas le cas mais genre un jeu qui a pris non mais un jeu qui a pris plein de temps et qui a flop genre non moi je pense genre, j'ai je pas d'exemple là comme ça mais vous voyez ce que je veux dire il y a moyen que Metroid Prime 4 ne sorte jamais hein. Qu'il soit juste avorté hein. Honnêtement je pense pas. Malheureusement après en fait c'est toujours le truc c'est-à-dire que si y a un Metroid Prime 4 qui sort dans 5 ans est-ce que ça sera vraiment le même Metroid Prime 4 ou c'est juste ils auront le temps d'avoir refait un projet de Metroid Prime 4 tu vois ce que je veux dire? Ouais c'est ça c'est... est-ce que le projet est pas en train de se transformer ça se trouve on va avoir un Metroid open world avec 5 planètes et on va voir flou mais nous vu qu'on n'est pas dans les studios de développement ça se trouve bah, ils ont déjà tout repris depuis le début ça se trouve ils vont reprendre depuis le début et on va voir le jeu dans 10 ans et on va dire ou dans 5 ans et on va dire oh ils ont passé 10 ans ils sur le développement alors qu'en fait ils ont fait 3 Metroid Prime 4 mais que c'était à chier ils ont eu 3 faux départs quoi. Donc bon après déjà si le jeu est aussi beau que Prime Remaster ce sera un sacré truc parce que je pense que Dread et Prime Remaster ont montré que à Nintendo que clairement oui Metroid c'est bon c'est les gens Metroid, c'est une valeur bon, c'est encore une valeur sûre. Donc c'est cool qu'ils pressent pas les développeurs et qu'ils ne les forcent pas à accoucher du jeu, mais bon. Ah, ce que fait Nintendo depuis. Faudrait qu'il accouche du jeu. Quand même. C'est. Oui, bah sauf pour Game Freak. Ils ont pas le droit de. Mais Game Freak, est-ce que c'est vraiment Nintendo qui les machine? Je sais pas. Nintendo se situe avec Prime 4, je pense. Ils savent très bien que c'est le jeu est très attendu par le noyau dur, la licence très appréciée. Ils attendent la bonne fenêtre pour sortir jeu et qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. On pourra en discuter. J'en avais déjà discuté avec Flèche à maintes reprises. Mais oui, Nintendo, ils ont besoin de vendre des consoles. Et du coup, qu'il y ait un jeu Pokémon tous les ans, ça les arrange bien pour vendre des Switch. Moi je pense que Prime 4 sera un jeu de lancement de la Switch. Je pense que ça les arrangerait bien aussi d'avoir des jeux qui soient mieux finis, tu vois. Je pense pas. Sans forcément qu'on parle de grande qualité graphique ou autre. Après Pokémon, le problème c'est qu'ils doivent aussi tenir le rythme de sortie de l'animé et des cartes. Donc rappelez-vous qu'à mon avis, c'est surtout ça qui fait le problème. Faut pas oublier, mine de rien, un truc très important, c'est que développer sur Switch, c'est de la merde. C'est compliqué. Il y a plein de jeux qui sortiront pas sur Switch parce que c'est un enfer apparemment. Cloudpunk, le dev de Cloudpunk disait le département Switch de Iron Land, enfin entre guillemets parce que c'est pas vraiment un département Switch, mais genre les gens qui ont bossé sur la version Switch, c'était un enfer. Pensez-vous que Prime 4 pourrait être une exclu de la prochaine console? Je pense que c'est le jeu de lancement. C'est la question, est-ce que la Switch, ce qui pour moi serait une erreur, est-ce que la Switch 2 ne sera pas rétrocompatible? Non, alors tu sais pourquoi? C'est pourquoi je pense que la Switch 2 sera rétrocompatible. Parce qu'ils peuvent pas sortir, genre, le dernier DLC Splatoon. Ils peuvent pas continuer de faire vivre encore des jeux type Splatoon, des jeux type... comment il s'appelle Mario Kart pour au final dire en fait on sort la Switch 2 et les jeux ils sont morts. Ouais, je sais pas. Genre, tu vois, ça veut dire que Splatoon 3 là il aurait eu une durée de vie de 1 an et demi. Ah non, mais je suis pas d'accord avec toi, parce que Smash 4 continuait d'être actif sur Wii U jusqu'à Smash Ultimate qui est sorti un an et demi après la sortie de la Switch. Ouais, je sais pas, moi je trouverais ça bizarre. Moi ça me trouverais ça bizarre. Après aussi je me dis que je trouverais ça bizarre de sortir Princess Peach, tu vois. De quoi ? Smash Ultimate c'est 2014. Non, c'est 2018. Alors, non, Smash Ultimate ça aurait du mal à être en 2014. Smash 4 pardon. Smash 4 oui, c'est 2014, mais quel est le rapport ? Bah après tu vois, ça fait pas un an et demi. Genre ça fait au moins 4 ans. Ça fait 4 ans oui, de... Tu veux dire, oui, tu veux dire dans ce sens-là ? Oui. Oui, mais les derniers DLC de Smash 4, c'est 2016, je crois. 2016-2017. Hein. Non, pour le coup, Splatoon 3, il est sorti l'année dernière. Il est sorti en 2020, il est sorti en 2022 ou en 2023. Ah, il est sorti en 2022. Mais ça veut dire que genre, Splatoon 3 aurait eu que 2 ans ? Bon, je sais que Splatoon 1 a eu un an et demi, je crois. Ouais, regarde. Regarde, Splatoon est sorti à combien de temps de la sortie de la Switch ? Il est sorti un an et demi. Mais Splatoon 2 est sorti, ça, là, il y a eu 4 ans entre. Il n'y a pas de rétro, ça va gueuler toutes les cartouches que t'as achetées poubelle. Bah non, tu peux toujours jouer en à fait, la Switch. En fait, moi, le problème. Midox, si tu veux jeter tes cartouches, moi je les récupère. Donc. Voilà, je veux bien aussi. Non mais tu vois, je me dis la mort du rétro gaming, tu sais. Princess Peach, c'est trop bizarre. La Wii U est sortie, je jette tous mes jeux de GameCube. Genre c'est trop bizarre, c'est trop bizarre de sortir Princess Peach alors qu'il y a potentiellement une Switch 2, tu vois. Regarde, déjà, est-ce que c'est une Switch 2? Genre est-ce que ce sera une console qui pourra switcher? Oui. Genre, vraie question, est-ce que ce sera pas juste une grosse console à la Wii U? Je pense qu'ils ont trouvé leur modèle économique là, clairement. Des quelques rumeurs qui circulent parce que bon, les kits de dev ils sont en place dans les studios depuis pas mal de temps. Évidemment. C'est pas une info d'insider, c'est juste que si tu veux développer sur des jeux, il faut que tu aies les hardware le plus vite possible pour pouvoir comprendre comment tu vas développer dessus. D'ailleurs, la même source a dit à Netchecku que Ace Attorney 7 était sur la Switch 2. Ainsi que Professeur Layton 5 et 6. Cette 7 et 8, pardon. Même source. Non, mais c'est toujours c'est la pas... même source. Hein, toujours non, mais c'est toujours. C'est comment ? C'est des informations. C'est pas des rumeurs ou autre, c'est que tu te rapproches de plus en plus de la sortie de ta nouvelle console. Forcément, tes kits de développement doivent tourner en interne pour anticiper ton passage à la prochaine console. D'après ce qui se dirait, c'est qu'il y aurait de la rétrocompatibilité. Après, mais moi je me dis, est-ce qu'on fait pas fausse route avec cette Switch 2? Genre, est-ce que ça se trouve la Switch 2 elle sort pas dans 4 ans? Tout le monde dit ouais, la Switch 2. Et en fait, on va l'attendre comme Metroid Prime 4, on va l'attendre encore 5 ans. Ouais, mais tu vois, en même temps, en fait. Ils attendent que Metroid Prime 4 soit fini pour faire la console. En fait, c'est très étrange parce qu'ils font même pas de. En fait, si tu veux qu'une console reste très longtemps en place. Oui, ils font pas genre une Switch Pixel. Enfin, ils ont fait fais régulièrement des updates, tu vois. Ils ont fait la OLED, mais bon. La New 3DS avait déjà un gain de puissance par rapport aux premières 3DS, tu vois. On rappelle que la New 3DS, elle fait tourner Xenoblade Chronicles. Pareil pour la DSi qui était... genre, il y a eu la DS, la DS Lite, la DSi, etc., etc., tu vois. Mm-hmm. Donc, ça paraît bizarre qu'il y a eu que la OLED et la Lite, du coup. Mais ça commence à dater, parce que la OLED, elle a quoi? Elle a 3 ans? Elle a... Ouais, 2021, non? Ouais, c'est ça. Hein. 2021. Ouais, donc elle a 3 ans. Ça commence à être long sans nouvelle. Alors soit ils annoncent vraiment une nouvelle, parce que la OLED avait aucun gain de puissance, il me semble. Non, la OLED pour c'était le coup, purement, c'est juste des. Elle est un peu plus. Je crois qu'elle est. Je crois qu'elle est un peu. Elle a une meilleure batterie, un meilleur écran, c'est tout. Elle est plus grande aussi et. Elle... Ah, ça a coupé. Ça a coupé chez Jam. Non, ça a mais coupé chez moi. Triste. De quoi ? On n'a pas entendu ce que tu as dit parce que ça a coupé chez moi. Ah, j'ai dit le clop-clop à l'arrière. Ah oui, le grip. Le truc pour tenir. Qui, moi, a pété sur ma première fois. Oui, qui est pété chez moi. Le clop-clop. Ouais, oui, c'est, bon, bah, je sais pas comment ça s'appelle. Le pied, support, voilà. Le pied, le support. Mais quand je dis support, les gens, ils pensent au dock. Et ils me disent, putain, t'as pété le dock. T'es vraiment allé... Non, mais non. Non, le truc à l'arrière. Le petit truc à l'arrière de merde en plastique, là. Mais ouais, du coup, c'est le... On espère qu'ils feront quand même une console portable qu'on pourra charger en même temps qu'on la pose. Ce sera mieux. C'est vrai que c'est... j'avais même pas tiqué, je me disais on est hors sujet, mais pas du tout. La Switch 2, techniquement, c'est une attente pour 2024. Oui, c'est une attente pour 2024. C'est... Non, mais moi aussi, t'inquiète, j'y réfléchissais, je me disais, parce que là, j'ai l'impression qu'on meuble depuis 15 minutes, parce que c'est vraiment 15 minutes ça, qu'on parle, on va atteindre les 2 heures. On meuble la pas, Switch on 2, c'est des choses intéressantes, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai que vu que la Switch. En fait, c'est très étrange, parce que vu que Nintendo est vraiment genre sorti de la guerre des consoles et tout, bah du coup, ils ont plus besoin de faire des générations qui sont calquées sur les autres générations. Et du coup, ils s'en foutent un peu que la PS5 soit sortie il y a 2 ans, tu vois. Ce qui est déjà le cas, en fait. La PS5 n'est pas sortie il y a 2 ans, elle est sortie il y a plus longtemps. Je sais plus. 2020, le... 2020 la PS5. Elle est sortie il y a 4 2020 ans. 2020 Ouais, ouais, ouais. Non, mais toi aussi, t'as syndrome. Toi aussi, t'as syndrome où t'as l'impression que la PS5, elle est sortie il y a 2 ans. Vous mentez, la DS, elle a 5 ans. C'est vraiment... Bah, Pokémon XY, c'était il y a 3 ans. C'est le dernier jeu, quoi. Nintendo s'est forcément décalé parce que en 2017 sort la Switch. Alors qu'on était en plein milieu de la génération de consoles. Oui, mais avant la Switch, ils essayaient un petit peu, tu vois. C'est avant la Switch. La Wii U est sortie à peu près en même temps que les deux autres, tu vois. Que la PS4 et la Xbox One. Et ouais, je crois, ils ont anticipé un peu, mais... Après, ils avaient quand même une génération de retard. Parce que, historiquement, la licence, n'importe quoi. La console qui est sortie bien avant la génération, bon, c'était la Dreamcast. Donc tu comprends que Nintendo avait essayé d'éviter les mi-générations. Parce que bon, historiquement, ça avait pas très bien marché. Mais là, du coup, ils ont carrément embrassé ça, et du coup, bah... Ça donne un truc où bah, t'as aucun moyen de savoir parce qu'ils s'en battent tellement les couilles des deux autres. Non, puis même Nintendo ont jamais. Enfin, depuis genre la Wii, ils ont jamais été dans. Même depuis la GameCube, ils ont jamais été dans la guerre de. Ils respectaient les générations. Oui. Alors, oui, mais ils ont été souvent contraints de sortir leur console tardivement. Genre, la Nintendo 64, elle devait sortir avant PS2 et Xbox, mais il n'y avait pas de jeu. Ils avaient des problèmes en interne, donc ils ont été les derniers. La Nintendo 64 est sortie avant la PS2 quand même. Non. Non, elle est sortie après. Non. Non, avant la PS2. Non, la PS2. Oui, ok. La PS2, oui. Ok. La PS2. Non, la PS2 est sortie dans les années 2000, les enfants. Oui, non, attends, merde. Oui, non, attends, j'ai eu un pet de cerveau. Oui, la PS1. La PS2, en Europe, c'est le 24 novembre 2000. Mais oui, mais d'accord. La Nintendo 64, c'est 95, Nechiko. Mais moi, je me suis trompé avec la GameCube. C'est la GameCube. Ah, d'accord. Parce que pour le coup, je sais que. Non, mais je me suis trompé. Parce que je sais que Nintendo avait fait Majora's Mask et le. Alors, je sais jamais, c'est l'Expansion Pack, voilà, c'est ça. Je sais qu'ils avaient sorti Majora's Mask et l'Expansion Pack justement pour concurrencer pour le coup la PS2. Donc je me disais, c'est bizarre que tu me dises que la embrouille. Ils voulaient anticiper le lancement de la GameCube, sauf qu'ils ont eu plein de problèmes en interne, ils sont sortis en dernier. Ouais, oui, bien sûr. Accessoirement, ils ont dû repousser leur sortie de un mois parce qu'ils ont voulu la sortir le fameux jour. C'était un gap de un an et demi, tu vois. C'était... Un gap d'un an et demi, ouais. Là, on est sur un gap de 3 ans, tu vois, donc c'est vrai que... Oh, même beaucoup plus. Je sais plus... 4 ans la PS5. Vous me donnez des fausses dates sur la PS5 qui est sortie il y a un mois, là, donc bon... Là, la Switch n'a que 3 ans. moi j'y comprends rien. La PS5 elle a 4 ans, la N64 elle sort en même temps que la PS2. Moi j'y comprends plus rien. C'est... Non mais t'inquiète, bientôt Microsoft sera plus console, donc déjà ça sera plus simple. C'est cette année de façon que le Sega s'est fait racheter par Microsoft et qu'ils sortent une nouvelle console. Là on est d'accord. Ouais, c'est ça, exactement. Ces gars ont réouvert leur district console. Mais, en plus, pour le coup, Xbox avait sorti. Il y avait l'info qui était sortie comme quoi Xbox pouvait racheter Sega, je crois. Oui, et puis. Ils ont pas pu. Et que Sega avait dit bah non, du coup, là on est littéralement au moment où ça remarche. Donc, et que Nintendo a fait. Mais trop de gens pensent que genre Sega c'est mort parce que genre la licence Sonic a eu des problèmes. Mais on rappelle que Sega et la Sonic Team c'est pas pareil hein. Bah en fait c'est surtout que Sega a eu des problèmes, mais qu'entre temps il y a eu Persona 5. Il y a eu des vrais morts hein, par contre. Donc bon, oui non c'est ça. Mais ce que je veux dire c'est que vous avez vu le nouveau Mario dans l'espace pour 2025, il a l'air trop ouf. Il a l'air trop vieux. Ah ouais, j'aime beaucoup Mario Galaxy 3D All Stars. 12. C'est vrai, hein. Techniquement. Imaginez, ils nous sortent Super Mario 4D All Stars avec Mario Galaxy 2. 4D, ouais, ouais. Mais pourquoi? Ah, parce qu'il y a 4 jeux. Mais non, mais chez coup, ils ont mis 3D parce que c'est des jeux 3D. Réfléchis. Mais écoute, ils vont pas mettre 4 fois 3D. Super Mario 12D. T'auras l'odeur dans la console. Putain, l'odeur du trou noir là. Miam. Ah là là. Odeur de merde. Ah, c'est Mario Galaxy 2 ça. Ah, oh, t'abuses. Oh, des All Stars 2. Attendez, ça chauffe. Ça sent le réchauffer. C'est donc Super Mario Galaxy 2. Bah super. Non, mais... Bah voilà. Bah je vous emmerde. Moi j'aime bien Galaxy 2. Voilà. On fera ah oui. Oh, ça sent la dépression. C'est Mario Galaxy 1. Voilà. Ah là là. Ah, ça sent le travail bien fait. Ça sent Mario Galaxy 1. C'est. Ah, ça pue la merde, c'est Sunshine. Ah, j'aurais dit Mario Odyssey. Mais... Alors, moi personnellement, non, j'aime bien Sunshine, mais. Oui, non, Odyssey. Ça sent la merde. Non, mais on va pas leur donner des idées qu'ils refassent pas un All-Star là. Plus, All-Star c'était super bien vendu. C'est vraiment, je comprends pas les. Non, par contre, le vrai power move c'est de ressortir, de faire des remasters de New Super Mario Bros. DS. Non mais c'est vrai, personne s'est imaginé ça, mais imaginez, ils font 3D All-Star des Zelda. Bah alors c'est 2D All-Star du coup. Ça existe, non? Mais non, des Zelda. Mais ça existe pas déjà? Bah Zelda. Il y a pas eu... Si, il y a une Game & Watch qui permet de jouer à... Mais non, mais 3D, genre Ocarina of Time, Wind Waker, et TP. Et Majora's Mask, on emmerde. Oui, l'édition limitée de The Wind Waker, oui. Oui, non. Non, mais Ocarina of Time... Wind Waker et Twilight Princess, ou alors... Majora's Mask... Bah non, parce qu'ils ont sorti déjà en indépendant Skyward Sword, donc ils pourraient pas. Oui, c'est vrai. Mais ouais, Ocarina of Time, Wind Waker et Twilight Princess. Comme ça, les gens seront contents, ils auront leur putain de remake de Wind Waker de merde, là. Legend of Zelda... Mais ils en seraient capables, hein. Ils en seraient capables de faire ça. Zelda Master of Zonai avec BOTW, TOTK. Mais quel intérêt, ouais, jeux sont sortis il y a littéralement... Breath of the Wild est sorti il y a 7 ans. On parle d'intérêt, mais quel était l'intérêt de remake Twilight Princess sur la Wii? Attendez, je viens juste de capter, Breath of the Wild est sorti il y a 7 ans. J'ai pris un choc mental. Ocarina en 4 tiers en 17 FPS. Attends, mais tu parles de Shadow of the Colossus, la Ninox. Il est en 17 FPS sur N64, je crois, en plus. Ocarina, il est en 15, non? Je sais plus, je sais qu'il est pas à 24. Enfin, il est pas à 30, il est pas à 24. Je crois qu'il est... Alors, je sais plus s'il est à 20 ou s'il est à 15. Ça se rend pas. Ouais, c'est ça, 17 FPS... Non, il rame pas. 17 FPS en PAL, 20 FPS en US. Oui. Ah, voilà, c'est ça. Il ne rame pas parce que c'est le meilleur jeu de tous les temps. Il prend son temps, Nechiko. Il est mal optimisé, on dit. Non, d'accord. Il est pas mal optimisé. Ah oui, donc c'est un choix artistique. C'est comme Spider-Verse. C'est vrai, c'est exactement. Bah, c'est pareil. Tu vois, c'est comme le chapeauté et Spider-Verse. Et il c'est en un choix artistique parce que c'est stylé. Ah oui, d'accord. Je. Ah mais t'as jamais joué à. Il t'invite à imaginer les images absentes. Ocarina of Time, non. Oui, c'est ça, il t'invite, c'est pour multiplier ton imagination. Dans ta tête. Ah non, mais putain. Bon, non, mais pour ouais, améliorer la prise de décision. On verra. Bah, de toute façon, techniquement, je pense que si la Switch 2 sort cette année, ça sera dans le Nintendo Direct de février. Bah, ça me paraît bizarre de dire... Ou alors, ils font vraiment un truc de fou. Genre, ils disent, salut, c'est le Nintendo Direct de février, la Switch 2, elle sort dans 2 heures. Et là, tout le monde pleure. Alors, comment dire? Autant sortir un jeu quand tu t'appelles Microsoft et que t'as pas prévu de version physique, c'est possible. Hein. Autant quand tu t'appelles Nintendo, que tu sors une console, il faut prévenir tout le monde, faut éviter que ça fuite et tout. Ils vous disent... Non. Alors, en fait, tu achètes une console sans savoir ce que c'est. Oui. Les premières Switch 2 ne seront disponibles que aux heureux élus. Du coup, vous pétez votre Switch, il y a un ticket d'or dedans, vous avez la Switch 2. S'il n'y en a pas, bah tant pis. On vous invite au Japon et on vous file votre Switch 2 en main propre. C'est Non, les premières Switch, en fait, elles sont, on vous l'a pas dit, mais elles sont virtuelles. Voilà. C'est dans le métavers. C'est un émulateur. Tu sais, par rapport à ce qu'a dit le mec d'Xbox, là, c'est... Non, c'est Ubisoft, pardon. C'est vous devriez vous habituer à ne pas posséder vos jeux, c'est là, devriez vous habituer à ne pas posséder vos consoles, on vous les reprend. C'est Nintendo, ils vont faire une Shadow. Voilà, c'est... Putain. Hop, naze. Non, mais c'est... Moi je me dis, s'ils annoncent la Switch 2, c'est dans un mois, je pense. Moi j'ai très peur qu'on se hype genre pour une Switch 2 et qu'on voit au direct, genre en fait non, genre y a rien. Oui, moi, mais au bout d'un moment, la Switch, elle va pas... ils vont pas garder la Switch pendant 20 ans, tu vois. C'est-à-dire que déjà une console qui dure 7 ans, c'est déjà rarissime. Mec, ils ont gardé la Game Boy pendant et ses dérivés pendant bien 10 ans. Pourquoi la Switch, il la ferait pas durer 10 ans, tu vois? Oui, mais c'est dérivé. La Game Boy Color, c'est déjà plus tout à fait une Game Boy. Il y a un dérivé, c'est la OLED. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, la Game Boy Color, c'est plus tout à fait une Game Boy. Hein. Elle est plus puissante que la Game Boy de base. Hein. Il y a des jeux spécifiques à la Game Boy Color. T'imagines, ils sortent une Switch XL et genre, du coup, il faut racheter des Joy-Con. Oui, non, mais il y a moyen qu'ils fassent ça. Il y a moyen qu'ils fassent juste une Switch plus grande avec plus de puissance. Mais au moins un truc qui a plus de puissance. Ouais, la New Switch, quoi. Parce que bon, La fameuse Switch Pro dont on parlait il y a deux ans. Là, je veux dire, quand t'arrives à un point où genre Persona 3 Reload, qui est pas non plus le jeu le plus demandant de la PS4, ils sont en mode... Il sort pas... Bah c'est ça, il sort pas sur Switch parce que les développeurs sont en mode bah on n'a pas réfléchi à faire une version Switch parce que bon, la Switch, ça commence à être un peu compliqué. Franchement, la Switch 2, ou du moins la nouvelle console, je pense qu'il ne faut pas l'attendre dans un direct. Ils l'annonceront via une bande-annonce à part comme la Switch en 2016. Oui, mais c'est pas hype. Non. C'est franchement, c'est pas hype d'annoncer sa Switch. Si Nintendo, ils annoncent la Switch 2, genre dans un trailer Twitter, comme ils font avec tous les jeux, franchement, c'est triste. Non, ils feront pas ça. Mais à mon avis, ils feront une annonce dans un direct, mais t'auras un direct dédié. Ils vont pas niquer leur présentation directe en parlant 40 minutes de leur console. Quoi qu'ils l'ont déjà fait en parlant de Smash Bros. Oui, mais Smash Bros, c'est un jeu. Smash Bros, c'est un jeu. Mais t'as pas besoin de parler de 40 minutes de ta console. En vrai, si. Juste tu la montres et après tu refais des trucs après, tu vois. Faut pas oublier que y a les joueurs qui regardent, mais ces présentations, il y a aussi les gens qui vont acheter les consoles. Et quand je dis acheter les consoles, c'est les détaillants. Et avant, t'avais des présentations live de tes consoles. Maintenant, t'as plus trop ça. Donc pour avoir le maximum d'informations, faut aussi regarder ces. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent faire un équivalent d'un free house qui un peu décrit tous les trucs pour la presse, tu vois. Bah moi je pense que c'est... Mais pour le grand public, ils montrent juste... Parce que typiquement pour la PS5, je crois que c'était juste une espèce de bande-annonce un peu bizarre avec des trucs qui flottaient dans tout ça. Ouais, il me semble aussi. Il me semblait pas qu'il y avait... L'annonce de la PS5, c'est un espèce de truc ultra bizarre. De toute façon, l'annonce de la PS5, on l'a vu il y a 3 mois, elle est sortie il y a 2... Elle est sortie il y a... Exactement. J'ai envie de vous dire, à un moment... L'annonce de la PS5, elle était arty. C'est ça. Bah, ils l'ont annoncé en même temps que la sortie de la PS2 et de la N64. Ah mais oui, je connais, c'est... Et même qu'ils avaient prévu... Comment il s'appelle ce jeu là déjà là? Banjo-Kazooie. De quoi? Oui, c'est ça, le trailer de la PS5 qui dure 3 minutes et c'est avec des espèces de bulles qui font des formes bizarres. La PS6, c'est la semaine prochaine. Bon. Je savais pas que la console mesurerait à peu près la taille de la tour Eiffel. Mais... C'est ça, regardez comment elle est magnifique. Et après, ils font des communiqués de presse en mode, bah regardez, on a un processeur du niveau de la PS4. Bon, c'est à peu près à ça qu'on va s'attendre du coup. S'ils arrivent à faire en sorte que la parce qu'à mon avis, ce sera une console, mi-portable, gros écran du coup. Mais je me dis, s'ils arrivent à faire tourner des jeux genre FF7 Remake, mais en portable, c'est une belle. Sans que t'aies un clavier dans tes mains, si tu veux, genre. Franchement, c'est Moi, ce qui me bluffrait, mais je sais pas si c'est physiquement possible, mais je pense que c'est ce qu'on a tous rêvé quand la Switch est sortie, c'est vraiment qu'il y ait un SSD dans le dock, et du coup, quand tu mets ta Switch en docké, elle gagne en puissance. Alors, je sais pas si c'est physiquement possible. Ah oui, j'aimerais bien qu'ils mettent pas 32 gigas sur la Switch. Oui, ça parce que, genre, qu'on ait au moins 128 ou 256, quoi. Parce que vous imaginez comment ça serait trop stylé, une console portable, bon, qui a la puissance d'une Switch ou un peu plus quand tu l'as en portable, mais quand tu la branches, ça a la puissance d'une PS5, tu vois. Ce serait stylé. Ou même d'une PS4 Pro, tu vois. Mm. Mais un truc qui fait vraiment tourner des jeux récents, tu vois. Mm. La PS4 de poche, ça s'appelle le PlayStation Portal, voyons. Ou le Steam Deck. Oui, ou le vois, Steam typiquement, Deck. Le Steam Deck, ça fait quand même, c'est quand même beaucoup plus puissant qu'une Switch, ça fait à peu près la même taille, tu vois. Non, c'est plus gros. C'est beaucoup plus gros. Gros. Bah, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux le porter à bout de bras, c'est pas une PS4. Oui, non, oui. Oui, mais là, c'est dans le même ordre de grandeur, c'est ça que je veux dire. À ce moment-là, le Vectrex, tu pouvais la porter à bout de bras aussi. Oui, non, mais je sais. À ce mais... moment-là, la GameCube, c'est une console portable. C'est... Oui, bah, elle est portable, il y a une poignée, littéralement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, tu peux avoir un truc qui ressemble à une Game Gear, tu vois, genre en termes de trucs, tu vois. Ce mec, il va se ramener avec sa Vectrex de 3 kilos, console portable, les gars. Petit Mario Kart 9. Petit Mario Kart 9, là, sur mon écran de 16. C'est pareil, typiquement, Mario Kart, qu'est-ce que ça va devenir? Genre, est-ce qu'on va avoir un nouveau Mario Kart? Enfin, ça serait bien un jour, non? Je ne pense pas. Cette fin de live, full craquage, quel regard. Ouais, non, c'est... On s'est dit qu'on avait fait un live trop court et qu'il part pas trop en couille, du coup, on est... Ça fait 30 minutes, on fait que de la merde. Mais ouais, c'est pas grave, on s'apprend des choses, ça c'est cool. On se fait des vannes. Non, puis en plus, on reste dans le sujet, mine de rien. Ouais, c'est ça. On parlait de vidéo, là, on parle de ça. L'avenir pour Mario Kart, moi j'espère un avenir... J'espère vraiment un vrai twist de gameplay, quoi. Pas l'antigravité de merde. J'en ai rien à branler de Mario Kart, c'est incroyable. Je pense que je dois être le seul fan de Nintendo sur Terre qui s'en bat les couilles de Mario Kart, mais vraiment... Après, moi, je suis le seul fan de Nintendo. Mais c'est le jeu le plus vendu de la Switch. Donc les gens s'en foutent pas. Ah oui, mais il y a que 48% des possesseurs de la console qui ont le jeu, quoi. C'est une personne sur deux, Netchekou. Ça fait qu'il y en a 50... Alors non, je mens, c'est 41%. Et parce que moi, et même ce que je trouve pas hype du tout, c'est leur truc de faire 6 milliards de maps mais qui sont bâclés de fou. Je trouve ça nique le jeu, en fait, je sais c'est pas. C'est triste. Parce que Mario Kart 8, il est magnifique, genre même pour la Wii U, c'était genre un exploit. C'est l'un des plus beaux jeux de la Wii U. C'est triste à dire, mais c'est l'un des plus beaux jeux de la Wii U. Et tu sors des espèces de maps dégueulasses. Et t'es en mode, c'est dommage, parce que le principe d'un jeu de course, quand même, toute la concurrence, leurs jeux de course, ils sont magnifiques, tu vois. Mm. Donc tu pourrais te dire, bon bah, ils vont essayer, au level de la Switch, de faire un truc beau, quoi. Et ils sortent des espèces de trucs qui sont des maps téléphone. Moi, je trouve ça un peu nul. Après, je joue pas au jeu, donc je peux pas trop me... Non, c'est vraiment un avis extérieur. C'est réel, pour le jeu, c'est full réel. Il y a eu un glow-up sur certaines vagues. Bah genre la 2, je crois que la 3 est pas mal, et la 4 était pas si mal. Avec l'île de Yoshi, là, la vraie nouvelle map. Et la 6, pour le coup, les villes ont l'air plutôt jolies, mais bon, ça reste moins beau que des trucs qu'il y avait sur le jeu de base, tu vois. Moi, je pense que tout le monde aurait préféré qu'ils mettent un peu moins de circuits, parce que là il y en a beaucoup trop, et qu'il les travaille un peu plus. Il y en quoi. A 82, je crois, de circuits. 96. Ouais. 96 c'est 48, non, mais... 48. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est à un stade ridicule où il y a plus de circuits sur Mario Kart que de personnages dans Smash Bros? Non, mais c'est... moi j'aimerais quand même rappeler que Mario Kart 8 sur la sortie, sans les DLC et tout, c'est 8 coupes ouais. De 4 courses. Mmh. Le jeu, il paraît vide. Et c'est... Je crois que c'est 5x5 en perso. Genre, c'est un carré de 5x5. Mais c'est ça. Mais du coup, le problème, c'est que là, du coup, quand tu lances un circuit, t'as 4 chances sur 5 que ça soit un circuit moche, quoi. Ouais. C'est un peu triste, je sais pas. Bah, même en vrai... Non, en vrai, pas 4 chances sur 5, une chance sur 2. Une chance sur 2. Parce que t'as les 48 circuits du DLC plus les 46 circuits du jeu de base. Et les circuits du jeu de base sont vraiment, vraiment très bien. Les circuits du jeu de base sont tous bien. Vraiment très, très beaux. Ouais. Oui, bien sûr. Mais comment ça Parce que, attends, t'as 8 x 4, donc 32. Alors, en fait, t'avais 32 circuits. Ah oui, 48, circuits. D'accord. Oui, parce que t'as eu les deux DLC, les deux packs de DLC avec... Ouais, effectivement, oui. Mm-hmm. Oui, du et coup, oui, t'as une chance... T'as une chance sur deux, allez, on va être gentil. Une chance sur trois d'avoir un circuit très moche. Oui. Donc... Ou pas intéressant, genre les circuits GBA qui sont bofs, quoi. Ils sont très bien, les circuits GBA. C'est lequel? C'est le circuit Mario, je crois. Mais ils sont plats, les circuits GBA. Le problème, non, c'est que... Moi, c'était le circuit Mario où j'étais en mode... Mais le circuit Mario, c'est... Au aucun je effort. Jure qu'il y a des circuits sur Wii qui sont plus jolis sur Wii hein. Sur Wii des... Genre vraiment la pelouse c'est un espèce de tas vert c'est, mais en plus c'est d'un vert ultra pétant une, dégueulasse une couleur c'est horrible une c'est couleur texture, la texture c'est une c'est une c'est un plat. Et j'avais des souvenirs, des trucs genre la descente givrée et tout, qui sont vraiment des circuits magnifiques, je trouve. Et t'arrives, t'as ça, je suis en mode... C'est un peu nul. Mais voilà. Mais du coup, ouais, peut-être qu'ils vont sortir un Mario Kart 9. Hein. Mais du coup, forcément, Mario Kart 9, s'ils ressortent avec 8 circuits, les gens vont être déçus, tu vois. Donc bon... Mais c'est comme Smash Ultimate. C'est le même problème. Comment tu fais... En fait, c'est un peu le problème de la Switch, c'est genre t'as beaucoup de jeux qui ont un peu l'impression d'être ce côté un peu ultime. Genre t'as Smash, t'as Mario Kart... En fait, je pense que Smash, c'est devenu tellement un truc énorme avec Smash Ultimate que je pense que ça va être beaucoup, beaucoup plus facile pour eux d'avoir des éditeurs tiers, tu vois. Ouais, je pense que pour moi, c'est tellement devenu... Ils ont tellement des licences dans tous les sens que maintenant, en fait, n'importe quelle licence, t'as bah, du coup plus... Déjà, on sait que Sakura plus, est reparti Sakura au fourneau. Ah, il est reparti au fourneau. Il arrête sa chaîne YouTube pour repartir dans la création. Mais parce que tu vois, genre Sakurai, il va juste voir Sony, leur dit, je peux avoir Kratos s'il vous plaît, Sony, ils sont en mode oui. Je peux avoir Toubi s'il vous plaît. Sakurai, on lui a retiré son bracelet électronique pour éviter qu'il sorte de chez lui. Maintenant, on l'a remis dans son placard. Un moment, Smash, c'est devenu tellement un truc énorme que maintenant, ils peuvent juste aller dans un studio et dire « Ah, mais vous le voulez, Steve ?» Ok, on vous met Steve, très bien. Alors, faudra discuter avec les gars là qui veulent, je sais pas quoi, là, ils ont dit James Bond, j'ai oublié. Ils ont dit des insectes là. Moi je me dis le vrai moment où on pourra vraiment se dire ça y est, Smash c'est peut-être en train de partir un peu loin, c'est quand Smash sera un carrefour culturel genre transmédia à un tel point où genre t'auras Luffy ou Goku. James Bond. Non mais c'est surtout que je pense qu'on se rend James pas Bond compte, on rappelle mais... qu'il devait être dans Melee hein. Moi je oui c'est je vrai. Je pense que les pour GoldenEye. Moi, je pense qu'un des trucs les plus impressionnants, alors on n'a plus en rétrospective parce que du coup ça fait longtemps, mais Snake, c'est fou, genre. Oui. Parce que on parle quand même de Konami qu'on a rien à branler des jeux vidéo. Oui, puis on parle d'un Nintendo Snake, à l'époque qui était très. Snake. Mais non, mais c'est surtout que Snake était dans. Non, je parle dans Ultimate. Snake ah, dans Ultimate. Ultimate. Moi, je pensais dans Brawl. Parce que Snake, il était dans Brawl parce que c'était Kojima qui était allé voir Sakurai et qui lui avait dit, s'il te plaît, je suis fan de Smash Bros. Tu peux mettre Snake, s'il te plaît. Non, c'est pas. Je suis fan de Smash. C'est mon fils est fan de Smash. Oui, mon fils est fan de Smash. Est-ce que tu peux le. Est-ce que s'il te plaît, tu peux le mettre. Et quand tu sais maintenant que bon Konami et Kojima c'est pas trop au beau fixe, t'étais en mode mais remettre Snake dans Smash Bros c'était de l'exploit tu vois. Donc je suis en mode ouais, mais après, ça à fait partir brasser. Du moment où ils... ça remet la figure de proue de Metal Gear en avant. Oui je sais mais ce que je veux dire c'est que historiquement c'est quand même compliqué. Tu vois. Que... Et pareil Sora ça veut dire qu'ils ont quand même discuté avec Disney parce que Sora oui, alors, ça appartient pas à alors, Smash. Alors ils ont discuté avec Disney mais il n'empêche que Disney est... Ils ont fait... Putain, je me dis, le power move, s'ils remettent Sora dans Smash prochain, ce qui est impossible, mais admettons, c'est de mettre le Mickey de Steamboat. Non, on pourrait dire, il y a Mickey dans Smash. Non, mais c'est... Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si Super Smash Bros, ça va pas être finalement... comment dire... une certaine diplomatie du jeu vidéo. Ça se trouve on va utiliser bientôt Smash Bros comme un soft power. Mais je pense que c'est déjà le cas. Mais c'est évidemment C'est-à-dire déjà le cas. Ils ont montré en fait t'as des gens qui sont crois-moi bien, t'as Sega qui montre que c'est les meilleurs potes de Nintendo parce que ils mettent les persos mais, Atlus mais etc. Mais Microsoft t'as Microsoft ils ont mis Xbox, Steve et Banjo-Kazooie à un moment qui dit ok on vous laisse Banjo et vous mettez Steve comme ça on montre bien qu'on est potes, il y a pas trop de persos non, de Sony pour bien surtout, montrer que Sony ils sont à part non, et c'est les deux autres qui sont potes Maître Steve qui est le jeu le plus vendu au oui, monde c'est genre c'est quand même jeu... un tour de force c'est ça. T'as plein de jeux indés en costume pour montrer que bon bah la Switch c'est la console des jeux indés etc. Littéralement on rappelle que Sans ça s'est décidé sur un match de Smash entre Toby Fox et Sakurai hein. en même temps parce que les différents studios sont potes, tu vois. Genre, je pense à Atlus, qui est du coup avec Xbox, etc. Et maintenant, Atlus, c'est les meilleurs potes de Xbox, leurs jeux sont sur le Game Pass et tout, tu vois. Ouais, c'était très... On rappelle que Sakurai était contre l'inclusion de Steve. Ah bon ? Oui, mais parce que c'est Nintendo qui a poussé, tu vois. Que Nintendo, ça les arrange bien d'être potes avec Xbox, tu vois. Je pense qu'il y a, ce côté... Et tu remarques que je crois qu'il n'y a aucun perso de Sony qui appartient à Sony. Il y a des persos proches de Sony, notamment Square Enix. Bah, il y a aucun perso de Sony. Effectivement. Parce que Xbox... Et c'est vraiment le clan, c'est Xbox... Non, il y a pas de personnage. Xbox et Nintendo d'un côté et Sony de l'autre. Quoi. Si, il y a et les costumes mis d'Assassin's Creed. Ouais, mais c'est du multiplateforme. Oui, c'est vrai. C'est du multiplateforme. C'est pas Sony. Comme Fallout. Ah bon ? Donc t'as vraiment ce côté où l'industrie du jeu vidéo, t'as Xbox et Nintendo d'un côté et Sony de l'autre, quoi. Genre Xbox qui se désintéresse un peu des consoles et qui fait son Game Pass et tout, Nintendo qui fait ses consoles mi-portable, mi-salon, et la console... vraiment deux salons qui est réservé à Sony du coup. Et qui a vraiment le quasi monopole et du coup t'as les deux clans et du coup bah peut-être que Sony va lancer son Smash Bros du coup PlayStation All Star relancer un truc comme ça tu vois vu que visiblement tout maintenant Nickelodeon sortent ça Warner sort un Smash Bros etc sûrement que Sony au bout d'un moment va sentir le filon et en sortir un aussi quoi bah en ressortir un du coup parce que vu que maintenant ils vont faire toujours, PlayStation All Star Battle Royale 2 le transmédia, regardez, on a plein de licences, c'est trop bien, machin. On a Harry Potter et en même temps on a. En tout cas, j'ai trop hâte de voir Harry Potter regardez, tabasser la gueule de Parappa the Rapper. On a Kratos et Atreus, et Atreus qui donne des conseils toutes les 3 secondes à Kratos. Comme Palutena, à Kid Icarus, putain, je suis une merde. À Kid Icarus, ah oui, Zelda. Oui. Zelda, le mec en vert. Le mec en vert, là. Mais ouais, non, c'est... Pour le coup, bah, je sais pas ce qu'ils feront. Est-ce que... Je pense pas que le prochain Smash sortira cette année. Peut-être l'année prochaine. Non. Mais ça commence à être vieux, hein, 2018, hein. Ouais, mais bon... Après, et historiquement, le plus long, ça a été 6 ans entre deux Smash, hein. Non, mais plus tu prends ton temps, plus tu fais un jeu bien. Parce qu'il y a eu 4... C'est Miyamoto qui l'a dit. Faut pas oublier qu'il y a eu les DLC aussi de Smash. Hein. C'est le jeu, il a eu un suivi. Smash, il a vécu jusqu'à 2000. De Smash, il a vécu jusqu'à 2021. Mais on s'en fiche. Mais on s'en fiche. Regardez Smash 4. Les DLC sont finis en 2016. Oui, c'est vrai. Le Smash Ultimate est sorti en 2018. Bah là, ça fait 3 ans là que Smash 5 c'est fini. Donc ça fait déjà plus de temps que ce qu'il y avait eu entre Smash 4 et Smash Ultimate, tu vois. Donc, en parlant Zelda, moi, vous voyez Zelda au lancement de la prochaine console ? Non. Non. Ou alors un 2D. Genre un Triforce. Enfin, pas un Triforce Heroes, mais un. Genre un grand retour des Zelda 2D. Oui, genre, je sais pas. Ils font un remake de Faces of Evil. Un Oracle. Putain, le power move de fou. Faire un remake des Zelda CDI. Mais tu sais qu'il y a un des 20D qui fait ça ? Oui, bah oui, je sais. Oui, c'est Zelda Faces of Evil Reimagine. Nouveau Zelda 2D. Des lignes sur CDI qui a décidé de faire. Oui, Zelda CDI Reimagine, je crois, ça s'appelle comme ça. Non, non, mais pas, non, pas non, Zelda. Un nouveau jeu. Ah, vraiment un nouveau jeu. Non, mais pas un Zelda CDI, hein, un Zelda 2D. Genre Minish Cap ou. Mais en fait, le problème. Moi, j'ai un problème avec Minish Cap. J'ai un problème avec Minish Cap, c'est que je trouve qu'il a pas besoin d'un remake. Mais non, mais je veux pas un remake, je veux un nouveau jeu. Ah, un nouveau jeu, ok. Un nouveau Zelda 2D. Un nouveau mais Zelda dans le style 2D. Minish Cap, parce que même A Link Between Worlds c'était un semi-remake de Link to the Past, tu vois. Oui. Donc vraiment un nouveau Zelda 2D, ah, tu vois. T'as eu Triforce Heroes ? Oh ta gueule. mais Triforce Heroes c'était il y a longtemps. Oh, Triforce Heroes, quel jeu de merde. Triforce Heroes c'est quoi ? C'est 2013 C'est 2014 Heroes, non ? 2015 Triforce Heroes. 2015 Putain, Triforce Heroes. Oh, mais c'est vieux. La fameuse grande année de Nintendo avec. Animal Crossing Amiibo Festival. Ah oui, c'est vrai. C'était vraiment le pic de Nintendo. Ah, on fera plus jamais des jeux comme ça. J'aimerais bien un nouveau Zelda 2D qui dépoussière la formule comme Link Between Worlds, semble-t-il. Bon, après, c'est exactement ce que je dis. Ouais, c'est un truc comme ça, quoi. Mais A Link Between Worlds, c'était un peu un mini remake, tu vois. Ouais, un mini remake. Ça reprenait une map quand même très similaire et tout, et même un concept assez similaire. Donc, mais oui, effectivement, un Zelda 2D qui dépoussière la formule, ça serait trop cool. Hein. Surtout qu'ils ont montré que avec Metroid. Non, pas avec Metroid. Je sais pas, Metroid 2D, je sais pas. Arrêtez de dire des jeux. Mais je sais pas, c'est des jeux 2D qui reviennent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une Mario 2D, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une Metroid 2D. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Arrêtez, par pitié, arrêtez. Link's Awakening, voilà. Ah ouais, d'accord. On a vu avec Link's Awakening HD, DX, oui c'est DX. Oui, DX. Le jeu que les gens ils ont critiqué parce que il était pas beau. Oui, mais le jeu c'est quand même bien vendu, tu vois. Donc ça montre qu'il y a un public même pour Zelda 2D, tu vois. De toute façon, Nintendo il pourrait chier dans un bol, il y aura un public. Donc bon. Non, par contre, je me pose une question. Animal Crossing Amiibo Festival. Moi je me pose une question. Non, mais là c'était sur la Wii U. Amiibo Festival et la Wii U. Bon, ça fait, je sais pas, ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de jeu Yoshi. Parce que le dernier c'est Crafted World qui est exécrable. Mais Crafted World il a bidé, non? Ouais, personne, il a bidé, non? Tout le monde s'en est battu les couilles. Moi, je le fasse. Hein. Mais Crafted World, ouais, il est pas très bien. Mais je me dis, ce serait. J'ai même pas fait que Woolly, ouais. Nintendo voulait toujours. Enfin, Miyamoto en tout cas a toujours voulu faire un jeu Yoshi en 3D. C'est d'ailleurs. Ouais, mais faut trouver quoi faire après. Après, techniquement, ils l'avaient déjà trouvé en 95, leur Yoshi en 3D. Non, vous savez très bien que. Ça a donné Croc Legend of the Gobos. Mais vous savez très bien que, parti comme c'est parti, le prochain Yoshi, ça sera un remake de Yoshi Story. On le sait tous. Oh la dinguerie! Évidemment. Mais non, pas la dinguerie! Si. On en a marre! Ce sera un remake de Yoshi Safari, il faudra tirer sur des... Évidemment que là, tu prends toutes. Non, parce que Yoshi Story, il est sur... online. Mais on s'en fout. Mais ils feront un remake de Yoshi's Island... News Island. Moi, je pense que vraiment... C'est déjà un remake, News Island. Non, alors oui, mais non. Mais non, ils font un remake de Yoshi Touch and Go. Voilà. De Universal Gravitation, là, tu tombes ta console, là. Comme ça, Necheco, il pourra faire son remake de son trade. Bon, alors, je vous reparle de New Island. De New Island, du coup. Non, j'ai New World Island. Un test dessus, j'ai pas... Yoshi pas New World Island. Mais t'as pas fait de trade dessus? Non, j'ai écrit un test sur Yoshi. Mais c'est... Attends, mais t'as pas fait un trade où t'expliquais que c'était... des mecs qui avaient jamais rien fait et que c'est pour ça que le jeu était pas ouf. C'était un test que tu as lu. Mais sérieux? Mais pourquoi j'ai l'effet Mandela que c'était un trade Twitter? Je sais pas. Parce que j'ai l'habitude de faire des trades. Ça se trouve, en tout cas, je t'ai décrit, hein. J'ai décrit ce que tu disais, donc ça montre que je l'ai lu au moins. Tu as totalement ce que j'avais dit. Mais t'es sûr que c'est un... Je suis sûr et certain. Je ne me prononcerai pas parce que je sais plus. Mais en fait, tu prends toutes les licences de Nintendo, t'as une chance sur deux que le prochain ça soit un remake, quoi. Et je trouve ça un peu triste. Mais oui, il faudrait faire des remakes de Golden Sun. Ou... Mais les remakes de Golden Sun, Necheku, enfin, les jeux sont ressortis. Tu fais une duologie HD avec les graphismes de Star Ocean. C'est bien, on est vraiment sur le. On se comprend bien avec Necheku. C'est-à-dire que je lui dis, putain, ils font trop de remakes. Il peut me dire, non, mais attends, il faudrait qu'ils fassent des remakes intéressants. Il faudrait qu'ils arrêtent de faire des remakes, surtout. Mais surtout, Golden Sun, ils sont ressortis. Faut pas qu'ils remake les mêmes licences. Mais faut qu'ils arrêtent de remaker des trucs en général. Ce serait bien qu'ils fassent des nouveaux trucs aussi. Mais faut faire découvrir Golden Sun. C'est bien, Golden Sun. Moi, j'aimerais bien juste une nouvelle licence de Nintendo. Genre un nouveau truc. Moi aussi. Genre, non, genre pas vrai, Arms 2. Non, genre super Evil Bowser. Un truc dans le genre. J'ai cru qu'il allait dire Super Monkey Ball, j'allais voir. Genre un truc où ils arrêtent, pareil, de reprendre des personnages de Mario et de faire leur série là. De quoi? Où ils vont faire. Genre un truc de prendre WarioWare, Yoshi Story, Donkey Kong. Non, mais ça machin, c'est bien, moi je trouve ça bien. Mais de prendre des persos de Mario et de leur donner leur jeu. Bah tu peux donner des jeux à des Goombas si tu veux. Bah non mais... Ouais. Mais justement moi ça me saoule, moi j'ai pas envie de ça genre. C'est relou quoi. Tu veux pas jouer Waluigi dans un jeu mec? Ah non ça va aller hein. Tu veux pas moi, enfin que Waluigi ait une vraie personnalité? Mec tu veux pas jouer les Toads? Mais non mais moi j'ai toujours trouvé que les persos dans Mario ils étaient transparents donc... Après on pourrait peut-être faire des trucs avec Zelda tu vois, genre un jeu Zelda. Mais avec Zelda jouable. Alors, oui, ça a déjà été fait. Mais... Ah, let's alors... go. Ça, c'est une bonne idée. Non, je pense un que jeu avec c'est Ganon impossible jouable. De rater un jeu avec Ganon. Genre Super Ganon Baseball, tu vois. Super Ganon 64, là. Super Ganon Baseball. Oh là là, putain. Non mais genre je sais pas, une nouvelle IP je qui est pas dérivée d'une autre. Je crois que le Super Ganon Baseball c'est le signe qu'il va falloir qu'on s'arrête dans pas longtemps. Il va falloir s'arrêter. De toute manière, si sur la prochaine console Nintendo se décide à éditer un Endless Ocean 3 ou un Sin and Punishment 3, je leur pardonne tout. Ouais, tu leur pardonnes tout, même le fait qu'ils sont financés par le même le fait qu'ils sont financés par l'Arabie. Non, mais alors, ça, c'est... Ils sont financés, ils sont possédés. Ça, c'était l'argument de Plouf quand il voulait défendre Hogwarts Legacy, ça. De quoi ? C'est... Non, mais vous tapez sur Hogwarts Legacy, mais Nintendo, c'est financé par l'Arabie Saoudite, quand même. Oui. cela dit, c'est un... je sais pas, moi, je pense que c'est un bon exemple. Ah, moi, je pense pas que ça soit un très bon argument, mais... Bof, hein. Je trouve que c'est très bof, hein. Je vais en jeter là, je vais en jeter un like avec les masques, mais... Contrôle la licence que tu adaptes, tu vois. J'ai pas entendu ce que tu disais. Hein. Oui, ça a coupé. Ah, je disais. J'ai l'impression que Discord bug. Tu contrôles les licences que t'adaptes, mais tu contrôles pas tes financeurs. Oui. Mais c'est toi qui choisis tes financeurs, d'une certaine manière. Je veux te dire, non. Je leur pardonne même TOTK. Ah ouais, quand même. T'as pas le droit d'interdire à quelqu'un de faire partie de ton conseil d'administration. C'est. Bah, tu peux refuser son apparition. Bah, non. Ah bon? T'as pas le droit d'empêcher quelqu'un d'acheter tes actions. Quand tes actions, elles sont sur le marché, c'est qui les achète. Ah, mais moi, Non, t'as pas le droit de... T'as le droit de choisir à qui tu revends ton entreprise totalement, mais tes actions, elles sont en libre circulation. Ah, ok, non, je pensais que les capitaux... Ah bah non, les capitaux, ils circulent. Ouais. Ah bah non. Tu vas énerver les libéraux si tu dis ça. Non, les capitaux, ils circulent comme tu veux. Ils ont pas besoin de moi pour être énervé, tu sais. Après, effectivement, t'as pas le droit d'acheter avec de l'argent sale ou des trucs comme ça, tu vois. Mais après, ça, c'est une question de gouvernement, c'est pas une question d'entreprise. C'est Nintendo, en tant qu'entreprise, peut pas contrôler qui achète quoi, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que t'as des problèmes, sinon tu pourrais pas avoir les trucs, les OP... Merde, comment on dit ? Les OPSP ? Mais non, pas les OPSP. Ce jeu vous est présenté par Red Shadow Legend. En gros, les entreprises qui arrivent et genre, pendant la nuit... Ah, ça a recoupé. Je déteste Discord. Aujourd'hui, ça bug. C'est une OP agressive. Alors, j'ai entendu, les entreprises, elles arrivent pendant la nuit. Et oui, ça a coupé. En gros, t'as des entreprises qui arrivent et qui achètent genre 50% d'une entreprise d'un coup pour avoir l'entreprise et que l'entreprise en face puisse rien faire, tu vois. Ouais, ouais. Et bah si l'entreprise pouvait décider de à qui elle vend ses actions, ça arriverait jamais, tu vois. Parce que l'entreprise dirait juste, bah non du coup. Bah non, MDR. Donc voilà, non pour le coup. Donc je trouvais que l'argument de Plouf était pas très ouf. C'est intéressant, mais je sais pas. Bon, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ? Ouais, on va s'arrêter. Je pense qu'il va être... On a parlé pendant une heure pour rien, mais... Ouais. Non, pas pour rien. Je pense que nos discussions... Bon, c'était dans le sujet. Voilà, un moment... On sait bien. De toute façon, c'est impossible de faire un épisode de produit en croix qui fait moins de 2 heures. C'est ça. Ça nous évitera d'avoir une vidéo à faire quand la Switch 2 sortira, là, de dire nos avis sur la Switch 2. Bon, on le fera quand même. C'est très bien qu'on le fera quand même. Bon. Bah, on espère. Merci. Bah, c'était très cool. On espère merci que de nous ça avoir vous suivi, aura plu. Notamment Nidox qui était très actif sur le chat. Mmh. Oui. Comme et pendant mine de rien, quand même plus de 2 heures. 2h30. 2h30, ouais. Hein. 40 bientôt. Ouais. Le temps passe vite quand on s'amuse. Mm-hmm. Exactement. Rendez-vous donc pas. D'ici quelques années je pour le prochain épisode. Je ne sais pas quand sera de... le prochain dans épisode 3. De Produit en Croix. On essaye de ne pas le faire non plus dans 4 ans. C'est de faire plus de 2 épisodes. On n'a jamais mis 4 ans quand même entre 2 épisodes. Le plus long qu'on a mis, c'est 9 mois. Un bébé. 9 voilà. Mois. Je crois que le plus long qu'on a mis, c'est 9 mois. On va essayer de tomber enceinte pendant ce temps-là, du coup. Oui, c'est et ça. Non, en vrai, malheureusement, entre guillemets, les plannings sont un peu compliqués, puisqu'on est, beaucoup... Déjà, trouver du temps seul, c'est dur. Ensuite, trouver du temps pas avec une autre personne, c'est difficile. Alors, imaginez à 3, bref. Mais voilà. Alors moi j'ai pas entendu ce que t'as dit Jay, je sais pas si c'est que de mon côté. Non, c'est Discord qui bug. J'ai dit trouver du temps seul déjà c'est compliqué, ensuite trouver du temps à 2 c'est encore plus dur, alors imaginez trouver du temps à 3. Ouais. L'enfer. Surtout quand il y a plein de trucs. Quand il y a les cours, le travail, la vie. Voilà. La vie, les cours, oui. Oui, je m'en bats les couilles. Exactement. On espère que cet épisode vous aura plu. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira sur les plateformes, parce que je vais peut-être pas le sortir en même temps parce que c'est un peu chiant. Et puis pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube le 4. Voilà, je sais pas non plus du coup quel sera le sujet du prochain. Normalement le sujet du prochain ça devrait être, on espère, Nier Automata. Mais à voir si on se replonge dedans, etc. Ouf. Discord a du mal. Hein. Espère que le sujet du prochain épisode ce sera Nier Automata, même si on n'est pas sûr. Ah, on espère, hein. Ça fait 8 ans qu'on le tease. En fait, c'est surtout, on s'adapte un peu à l'actu. On n'avait pas très envie de faire un épisode de retour sur Nier Automata et de se replonger dedans. Un peu compliqué. Effectivement. Allez. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, une bonne vie. Voilà. Une bonne tour, une bonne année 2024 du coup, encore une fois. Oui, aussi. Plein de super jeux. Et on espère que ça dépassera pas les 20 000 licenciements à la fin de l'année. On espère. Des gros bisous et bye bye. Bye. Bye.